abyss. No more. En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 11 de la saison 2017-2018 de la soirée du podcast. Yeah. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 21, Dave Thibodeau. C'est le moi. Numéro 24, Marthe Véro. Le numéro 31, JF Mallette. Et le numéro 75, votre animateur, JF Cron. Le gars qui défonce les lampes de studio. On pète les Cotex. Le Cotex n'est plus le mythique Cotex de la soirée du podcast. Cotex is gone. Ouais, comme le forum, ça a pris boom. Le camp. Ça a pris le camp. C'est fini. En fait, j'ai reçu des commentaires sur Twitter de quelqu'un qui m'a dit « Est-ce que c'était le Cotex de la soirée du podcast qui est décédé? » Ah ouais? Fait que le Cotex avait quand même sa mythologie dans l'univers. Le Cotex avait un nom. Mais non. Ouais. Non, on est rendu avec une lampe. Il a imbibé pour la dernière fois. Ouais, mais t'as un dimmer. Maintenant, on peut tamiser l'éclairage. Il y a un upgrade. Puis on peut plus être déconcentré par le Cotex. Yes. La soirée du podcast. Ça fait plus de lampe studio. Ben quand même, mais tu sais, ça expose de plus en plus ma calvitie quand même d'avoir un éclairage dans le haut comme ça. Fait deux podcasts cette semaine que j'en parle de ma calvitie, c'est bon. Nice, c'est bien. Soirée du podcast. T'as beaucoup de lâcher prise. Ouais, ben je me confie comme ça aux gens. C'est bon, c'est thérapeutique tout ça. Ouais, ça sort ici là à soirée du bon, podcast. Gars, et sur ça, on va aller faire l'avant-match. Non, on est ici. Voilà. Gary Degnaud. Et oui, comme ça, on améliore l'équipement pour vous en brisant tout dans le studio. Fait que t'as-tu les résultats du pool, Dave? Ben non, parce que je t'ai pris au dépourvu. Parce que genre, ça fait trop longtemps. On avait oublié, ben pendant que tu vas chercher ça, on va rappeler aux gens qu'il y a un échange qui s'en vient, là, fin février, début mars, en fait. Ouais. Si vous c'est la dernière de l'année. Non, c'est pas vrai, c'est l'avant-dernier. Ah, il en reste un en avril pour quelques matchs qui vont rester. Quand même serré dans le pool de ce que j'ai vu dans les dernières semaines. On va voir ce que Dave va dire. Je vais vous dire que j'ai un peu laissé aller le mien. Là, moi, j'ai abandonné le projet. Elle a fait un échange dans le dernier mois. Non, moi, j'ai pas fait d'échange. Toi, ça fait un peu que tu n'as pas fait, tu te dis. Hein, puis t'es top en plus. Chris, moi, j'ai fait un échange, je pense, ou deux. Puis c'est dans les deux premiers mois du pool. Ah, moi, je reste constant, c'est un échange par mois. Puis tout, ben, j'ai monté genre au plus. Ouais, j'étais pas mais prêt, c'était 40e. T'aimes ça, les pots. Comment sont les rottes? je voulais sauver mon honneur. J'étais en compétition. T'aimes ça les poules, toi. Ouais. Fait que je l'ai. Pas un gros souffle, là, que le souffle un peu coupé. Tu l'as-tu, Dave? Ouais. Fait que en cinquième position, c'est Rémi Chabot. Quatrième position, Maxime Ouimet. Troisième position, Marc Belletête. Deuxième position, Nick Chalifou. Première position, Guillaume Touga. Good. Le premier est à 1507 points. C'est excellent, ouais. Ça. Et le premier dans le podcast, c'est Mart avec en 8e position. Ça donne rien de changer des joueurs dans la saison. Toi, Mart, change rien. T'as la patente cool. Gars. Hey, j'ai Patio, man, en plus. Pour vrai, quand même, tu serais premier. Hey, mais moi, je suis 22. Après ça, c'est moi, 22e. Après ça, JF Cromp, 24. Quand même. Mallette, 29. Là, ça montait tout dans les 20. Alex, 43. Et Alex Cromp, probablement dernier. Alex Cromp, 53. Hey, nomme donc le dude qui est juste en avant de moi, là, qui braillait là, dans, sur Facebook, là, que c'est, hein? Il sera jamais nommé parce qu'il n'est pas dans le top 5 cette semaine. Mais là, c'est qui le sixième? Le sixième, c'est Maxime Isabelle, puis le septième, non. C'est Dominique Rioux. Dominique Rioux, ça, c'est le gars qui a écrit, qui a dit « Ah, oh, mes parents, ils auraient été fiers de moi. » Ah, c'est fois. Lui, ça, OK. Au moins, Chris, on va te nommer. On va te nommer. Puis, tu fais partie du top 10 de la soirée du podcast. Puis bien. Ça, on te respecte puis, pour ça. Puis, oublie pas, mon gars, je te souffle dans le coup. Sti, 5 points en arrière de toi. Fait que watch out, mon gars. La dernière fois, on n'a pas nommé le dernier. Fait que là, je vais nommer le dernier. Vas-y donc, 59e, Yannick Whistle. Tabarnak, voilà. Whistle. Ou Whistle. Whistle, ouais. Dépendamment de où vous venez dans le monde. C'est ça. Dépendamment s'il vient de... Prochain coup, on fait le top 5 en partant d'en bas. Non, on fait les le top... 5 plus poches. On fait les positions 50 à 55, tu sais. Ouais. Question de mêler tout le monde. Sinon, on dirait qu'on est sur Facebook Live et sur Twitch. Les deux, la soirée du podcast, si vous voulez nous parler en direct, JF et moi, on va prendre les commentaires. Le podcast, on vous donne toutes les positions de chaque personne. Ouais, on commence. On prend une demi-heure là-dessus. On va vous arranger ça. Fait que sur ça, ben, on va aller commencer tout de suite la première période, ici. Ah! Tout un buzzer, ça. Tout un buzzer. Il est présent. Fait que entre les deux podcasts, il s'est passé 11 matchs et le Canadien a eu une belle séquence de 3 victoires totales. Excuse, t'as dit combien de matchs? 11. Donc, on a 8 défaites et 3 victoires. Combien de victoires en prolongation là-dedans? J'ai pas nos victoires en prolongation, j'ai nos défaites en tir de barrage. Il y en a eu une, c'était contre les okay. Prédateurs de Nashville. Nashville, excuse. Contre Nashville. En fait, les 3 victoires qu'on a eues, on a eu une victoire contre Colorado qui était inattendue. Colorado qui se remettent à gagner depuis qu'ils ont pu l'autre. Là, on a brisé leur séquence de 10 games en ligne pour Colorado. Ouais. C'est comme le, tu sais, l'image que t'es sûr que le Canadien va pas gagner. C'est ceux-là qui vont gagner. C'est là qu'on aurait dû gagner. Non, on a battu Anaheim et tout. Ouais, ben Calvary, ça, après ça, on a eu Anaheim et Ottawa. Ça, c'était notre fin de semaine, ça. Ouais, la fin de semaine du Super Bowl, là, ça a été. Ouais, ça leur fait du bien, on dirait, de jouer en après-midi. Ben pourtant, c'est le contraire d'habitude. Ils sont tout le temps. Ils suckent. Mais là, non, ils étaient juste meilleurs que tout le reste de la saison, fait qu'ils ont gagné. Mais ouais, Anaheim et puis Ottawa, back-to-back. On pensait que c'était reparti, mais finalement. Hey, Anaheim, là, on pensait qu'on passerait comme dans le hachoir à viande, là. Ça, c'est comme. Tu sais, sortir en spaghette. il a dit comme. Non, on s'est dit pareil comme dans. Voyons, un prince à New York, là, les deux pauvres à la fin, quand ils se font donner de l'argent, là, puis il dit Mortimer, c'est reparti. finalement, non. Continue d'être très médiocre et de se diriger vers le bas fond. Là, les stats, il n'y en a plus de chance de faire les playoffs. C'est fini. Là. C'est officiellement fini. Je pense qu'on a moins même qu'un même mathématiquement. Ouais. Ben, ouais, c'était déjà moins qu'un pour cent depuis. Non, c'était 1%. De toute façon, il y avait-tu encore des croyants? Ben non. Mais tu sais. Pas à cette table, j'ose espérer. Quand il reste. Mon petit believer, toi. Non, j'ai lâché prise après les fêtes. Après les fêtes. Ah ouais? Ouais. Après, mettons qu'on a eu notre. Puis, après le lâcher prise, est-ce qu'il est venu dans ton cas comme la grogne? De la haine. Tu passais les 7 étapes. C'est quelle étape quand t'es rendu mort en dedans? Hein? Ça, c'est quand t'es un fan du Canadien. Ça, c'est 8, ça? Quand t'es mort en dedans. Donc, c'est quoi ça? C'est le 8? Ben, je sais pas, vous avez dit qu'il y avait des étapes tantôt, là. Ouais. Non, mais il n'y a pas de 8e étape. Étapes du deuil. Il y a 8 étapes du deuil? Ben, je sais pas, c'est quoi. Je sais pas. En tout cas, j'en peux rien. Mais tu sais, quand ça devient indifférent en écoutant le hockey, genre, t'as aucune réaction. Ouais, mais là, c'est un peu comme le reste. Mais le show, il est tellement fans. Plate. Ah, non, ben, c'est mais remarque la game contre Nashville, c'était la meilleure hostie ben oui, que jamais. Oui, il y avait une feud avec. Il y avait une feud, puis c'est justement. Ouais, j'en parlais de ça. Ça a créé tellement d'énergie pendant la game. Ça a créé tout un émoi. Ça a créé de la crise de marde. La marde t'a pogné dans la boîte. Ben, tu sais que Subban est de passage à Montréal, il va se passer de quoi, puis bon, ben il s'est pogné Gallagher. Ah, c'est-tu qui m'énerve? Ah, il m'énerve moi aussi, mais souvent. C'est-tu qui m'énerve? Oh, mais tu sais, des dernières années, dans le podcast, qu'on avait souvent avec nous autres, on n'arrêtait pas de dire c'est-tu qu'on l'aime, mais qu'est-ce qu'on l'haïrait s'il jouait ailleurs? C'est vrai. Là, on l'a dans la face. Non, on comprend ce que les autres teams. Mais il est tellement comme. C'est tout autour de lui tout le temps, c'est fou. C'est dégueulasse. Mais moi là, tu sais, à un moment donné, moi, je me disais genre ah Chris tu sais c'est un mauvais trade tu sais genre on a fait le mauvais trade ah mais trade c'est un mauvais trade encore ouais, je pense non mais admettons mais sérieusement mais parce que je me disais comme ok on a pas ce défenseur là explosif qui contrôle le puck de même mais à chaque que jouer la game à Nashville là les hosties de passes qu'il a faites là à Byron une fois puis après ça le revirement qu'il a donné oui man puis après ça en 3 contre 3 en 3 contre 3 et tout il en a fait un autre parce que trois monsieur émotifs. S'est dit ah, ouais, je veux faire veut mon faire gros calice de show à Montréal je veux être adulé ça ben ça y a encore coûté un hostie d'affaires même en jouant dans l'autre équipe puis en voyant ça j'ai fait comme non m'ennuie pas de ça même pour tous ses bons côtés là non ça là ah, je suis pas non, capable plus, je m'ennuie pas de ces revirements là mais moi personnellement je pense quand même que c'est probablement le pire échange du Canadien là, ever là. Mais c'est pire que l'échange de Patrick Roy pour vrai là. Non, je pense que non par exemple Roy voulait partir puis Roy a demandé de partir mais il avait, pense Roy avait déjà l'échange fait est ce qu'il avait mauvais, à faire je pense que l'échange de Subban est mauvais dans le sens que mais ça je pense qu'on tout le monde le savait. Non, parce là, que Weber, il est Weber, bon. Weber, il est bon, mais tu sais, Weber, il va pas en bon temps. Là, il est pas sur une pente ascendante. C'est deux gars complètement c'est pas le même genre non, de choses. En même temps, il fera pas la calice de passe innocente. Non, c'est pas lui qui va te monter à ça. Non, mais on a personne, par exemple, dans le Canadien présentement, qui a une bonne passe solide, une bonne relance. Mettez en devenir. On en a pas qui a bougé. C'est certain que on a aucun défenseur mobile comme Subban. Ça, c'est ce qui nous coûte, je pense, le plus. C'est pas vraiment. Subban qui nous coûte de quoi en ce moment? C'est le fait de ne pas avoir de défenseur mobile. Mais c'est les erreurs à perdre Bergevin. Si on a un défenseur mobile avec le Canadien présentement, personne ne parle de Subban. Il n'y a pas besoin d'être Subban, il y a juste besoin d'être mobile. Mais ça, c'est ça. C'est les erreurs. On avait Sergachev, on l'a plus. On envoie pour Drouin, mais là, on a... On a Mété qui va peut-être venir sauver la mise. Ouais, mais c'est un coup de luck, Mété. Ah, mais il est bon, il est bon. Il est bon, tabarnak, il a du potentiel. Il a du potentiel, mais c'est un petit défenseur. Il faudra qu'il soit costaud en crise. Genre Tory Krug. Ouais, mais ils peuvent à cette heure. C'est l'offensive qui va compenser pour... Carlson, il n'est pas super gros. Non, il est plus grand, mais il est slim en crise, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est un sec, là. Je l'aime pas, moi, bien Carlson. Garage un sandwich. C'est pas un défenseur que je trippe, mon Carlson. Ah, tabarnak. Je trouve que c'est un défenseur un peu à la Subban. C'est comme un attaquant. C'est un défenseur que le côté défensif, tu peux pas te fier. Il est solide en tabarnak. Pas défensivement. Ben, il est pas mauvais défensivement. Il est pas très plus, bon, là, man. Ouais, mais il change à l'heure d'une game à lui de seul. Ben, Subban, il était capable de le faire. C'est un hostie de gros asset. C'est le même genre de défenseur, à mon impression. Genre, c'est une coche différente en comparé à Daoudi, mettons. Ah, là, si ça, ben, ça, ben, ça, dans ça, c'est mettons, le modèle de défenseur. Carlson est beaucoup plus brillant que Subban, ce jeu-là. Le oui, IQ hockey, il là, est, plus, est, il est meilleur, mais c'est dans le même genre quand même. Il est moins selfish. Si tu dis, ben oui, si tu veux en nommer d'autres, justement, Daoudi, c'en est un autre dans le même genre, mais je le prendrais avant Subban, pareil, parce qu'il est plus responsable. Genre, mettons, le même Carlson avant Daoudi. Pas moi. Moi, je prends Doughty. Ça dépend qu'est-ce que tu préfères comme style de défenseur. Ouais, je veux des buts, tabarnak. Ouais, mais c'est pas la job des défenseurs. Doughty va donner le meilleur des deux mondes. Dans le ça dépend qui fait la meilleure relance, tu sais. Là, on a Carlson. Carlson fait des crises de jeu. Mais il peut te coûter défensivement. Je l'aime bien, Carlson. Ouais, mais c'est un hostie génie. Ouais, mais il va te coûter défensivement. La preuve, comme Subban, fait-tu la différence cette année tant que ça? Subban, c'est pas un génie. Subban, c'est un athlétique. C'est un athlétique, mais c'est parce qu'il perd le focus trop facilement aussi. L'équipe est basée sur qui présentement à Ottawa? Carlson. Puis qu'est-ce qui se passe? Sûrement pas sur Ottawa? L'autre des. Ouais, sûrement pas du Shane. Il a décimé le team là-bas. Avez-vous vu? Colorado était à chier avec du Shane, puis ils ont échangé à Ottawa, puis Ottawa devenait à chier avec. Ouais, c'est comme si la malédiction avait changé de place. C'est quoi ça? Du Shane, c'est l'effet de contraire, ça a donné pour les deux clubs. Colorado perdait, là, ils se sont sûrement gagnés, puis Ottawa, c'est le contraire. Ouais. Tant mieux. C'est du poison, man. Je suis tellement content qu'on n'avait pas été chercher ce gars-là. Moi, je le voulais pas tant pour rien. Du Shane? Non? Non. J'ai jamais voulu. J'ai jamais même pas contre Chucky, mettons, pour te débarrasser de Chucky. Un problème contre un autre. Je pense que dans le fond, ça aurait pas été assez Chucky pour Duchesne quand t'as vu qu'est-ce que le corps. Ah, mais t'aurais été chercher un centre, t'assurer, par exemple. Ben, tu vois, Ottawa, il pensait que c'était un joueur de centre, Duchesne, puis là, c'est rendu qu'il se retrouve à l'aile avec Derek Brassard, puis Gaboric, qui a fait un. Qui s'en vient dans l'aile. Même il joue au champ gauche. Ouais, mais à Montréal, c'est sûr que quand t'amènes un gars, genre, qui a sa position. Ben non, mais lui, sa position est déterminée en tant que centre. C'est un centre. Ouais, ouais. Mais un centre naturel. Duchesne? Ouais. Mais je pense, regarde-toi, Ottawa l'a retiré du centre parce qu'il faisait pas la job. Fait que j'ai comme l'impression que c'est comme un genre de gars qui est entre deux chaises, là, un peu comme, mettons, Galchenyuk. Ah, entre deux chaises pour faire quelque non, chose. Non, Galchenyuk, ils l'ont... Ils l'ont tassé. Ils l'ont screwé. Galchenyuk puis Drouin. Ils l'ont varlopé. Ben, Drouin, même affaire. Hein, finalement, hein, Valette? Centre naturel. Je vous le dis, Drouin, c'est un centre. C'est un centre. C'est un allié. C'est un allié. Moi, je suis sûr qu'Ellie aurait fait plus la... C'est pas de sa faute. On n'a pas de centre. Fait que tu sais, c'est quoi ta meilleure option quand t'as pas de centre dans une équipe? Tu mets Drouin. Ben, tu mets Drouin parce que t'en as pas de choix. Ouais, mais c'est quand t'essaies d'endormir le monde en tant qu'organisation puis dire comme on est allé chercher un centre. Mark. On était mais tu vois qu'ils disent n'importe quoi puis ils font n'importe quoi. Quand présentement, là, le Canadien doit avouer que ton centre numéro un te manque, puis c'est Dano, tu sais qu'il y a un hostie de problème dans ton équipe. Ah, parce Dano. Que j'adore Dano. C'est un hostie de bon joueur. Mais au mieux là, dans une équipe, il peut être un deuxième centre. Ouais. C'est un hostie de bon top 3. Au mieux, c'est un hostie de bon troisième centre. Un mais gars pas qui... un... Quand il y a une crise de bonne séquence, tu peux le monter ça à deux, puis sinon il va aller ça à trois. Tu peux le mettre ça à deux, il peut faire la job, mais c'est un bon au trois. Tu peux donner des minutes, là. Tu sais, c'est ça. Tu peux jouer. Il est responsable. En cas de blessure. Tu vas pouvoir le mettre en power play, tu vas pouvoir le mettre parce qu'il y a des bons flashs. Il est patché partout. Il est bon, mais je l'aime, Dano. Je l'aime. Il va venir. Je l'adore, Dano. Mais tu sais, je peux pas dire que ce gars-là, c'est un first sound. Mais non. C'est pas lui qui va. C'était comme dire que Plekanec, c'est un premier. Déjà que le team est malade. En partant, juste en constatant ça, le team est malade. Ah ouais, c'est sûr. Ton team, là, sur papier, là, ton centre numéro un, c'est qui? Dano. Sur papier, sur la glace, ouais. Ben ouais, puis après ouais, ça, c'est Plekanec. Après ça, c'est Pleki, ouais. Deux ans, 14 millions. Ah oui. Mais il essaye. Non, mais ils ont tout essayé ça s'en vient, la signature à Plekanec. Moi, je vous le dis. Pas 14 millions, là, mais ça s'en vient. Là. J'ai lu des affaires. Ils vont le faire. Ils vont le signer. Je le dis depuis le début. Ils vont je le signer. Je me disais de quoi, Manette. J'ai lu des affaires. Ouais, j'ai hâte de voir, là, mais j'ai lu de quoi. Puis il y a bien des analystes qui disent que Plekanec n'irait pas chercher plus qu'un troisième choix au repêchage, selon bien du monde. J'ai hâte de voir ça. Ah, ouais, Blakey, j'ai entendu un 3-4. Checkez-le bien. Ben écoute, si on a un 2, je vais être content. Puis je vais être content de t'acheter une caisse d'habillage. Checkez bien, Bergevin, faire comme. Oh, vous avez un bet? Je le serais moins. Vous avez un bet? Non, ben un genre de bet. Tu t'en souviens pas? Il était là, je pense. Ah, j'étais sûrement ben trop. Genre, je vous paye la bière si le Canex s'est changé en bas d'un choix de deuxième ronde. Qui paye la bière? Lui, il nous paye la bière. Puis si. S'il était changé en bas. Toi, tu penses qu'on a un 2 pour lui? Minimum. Ouais. Puis. Puis si, si c'est minimum. Le beau du bet, c'est que si c'est un 2 et plus, donc deuxième choix ou premier choix au repêchage qu'on a pour Plekis, s'il se fait un jeu, c'est nous autres qui payent la bière à mallette. T'as juste casé? Non, non. Si c'est un choix 2 ou plus, on paye une 6 de Modelo. J'ai eu peur. Une 6 de Modelo. Ah ouais, c'est ça qu'il veut. Hey, sérieusement, là. Ça va nous coûter genre. Je t'achète ton deux pièces chaque. On se fait payer ça avec les Patreons. Excusez-moi, j'étais comme un peu distrait. Jeff, sa chef, vous a comme droppé, là. Mais checkez bien l'affaire, moi. Mallette a pris une drop. Checkez bien Bergevin dire ah, Plekis, c'est un joueur qu'on aime à Montréal. On veut le garder pour qu'il finisse sa carrière à Montréal. Tu sais, ce qu'il aurait dû faire avec Markov, là. Ouais. Parce que la salle. Checkez bien, si ça reprend avec ça, puis on voit comme tabarnak. Non, Marc. Mais là, mais pas, Markov. L'autre fois, là, j'ai tellement. Je voulais qu'il calisse son. Je sais pas. J'ai tellement ri au gym l'autre fois. C'était Lé au gym. Il y avait RDS Info qui jouait. Puis il dit il n'y a pas de son. Moi, de toute façon, j'ai mes écouteurs. Puis il n'y a pas de son, c'est télé, ils sont juste là comme tu regardes ce qui passe. Là. Puis j'étais comme assis sur un banc. Puis là, j'étais qu'à la télé en 2-7, mettons. Puis là, ouais. Puis là, il y avait comme une question qui était posée dans le bas. Puis c'était hockey, le show de hockey le soir avec les deux gars. Là. Hockey 360. Non, le rasé, le pas cheveux. Ouais, oui, avec Maxime, l'autre. C'est quoi ce show-là? Le 5 à 7. C'est comme 24 5 à 7. Genre, c'est le 5 à 7. Okay. Ah, ouais, RDS. Ouais, RDS. Ouais. C'est le 5 à 7. Puis c'était Yannick pas RDS de... Info, c'était non. RDS. Puis en tout cas, fait que là, il y avait une question, puis c'était avec Terrien, là. Pas Michel Terrien, Gaston. Gaston. Puis la question, c'était marqué, si le Canadien n'échange pas, n'échange aucun joueur cette année, puis fait le statu quo, c'est parce que... Puis là, il fallait que le monde sur Internet complète la phrase. Puis là, les réponses... Oui, ils font des jokes avec ça. Là, ouais, ça, ouais, mais moi, j'avais pas le son, mais je voyais juste les réponses du monde passer, puis quelqu'un qui a marqué, genre... C'est parce que Molson a dit à Bergevin de rien faire parce qu'il va le coller dehors. Puis je suis parti à rire, mon gars. C'était écrit de même, là? Ouais, ben, c'était pas marqué coller dehors, là. Ah, okay. Sacré dehors, là. Déception. Hey, j'étais crampé de voir les réponses du monde. Là. T'avais des réponses dans ce genre-là. Ouais, il va dire à Bergevin, fais rien, garde tous nos joueurs. Notre prochain DG qui va venir prendre ta place, là, il va être meilleur avec ces joueurs-là. Okay, je comprends, genre... Ça n'a comme pas de sens. Là. Non, c'est ça. Il y avait des réponses de même. C'est comme un meilleur DG va avoir un meilleur résultat que les mêmes joueurs. Genre. Ouais. Mais non, mais c'est genre tirer mieux des mêmes joueurs. Là. Ouais. C'est rendu de la fantaisie. Hey, la solution, ah, hey, c'est... La solution est dans la chambre. C'était tous des genres de réponses de même. J'imagine que d'autres disaient des mais la solution est dans la chambre. La solution est dans la chambre. Ça revient à dire ça. Moi, je revenais au cas Gallagher-Souban parce que j'ai des audios de ça suite à la bagarre en fait entre les deux durant toute la game. Ils ont eu une guerre de mots après. On va voir qui a gagné la guerre de mots entre Subban et Gallagher. Là, c'est en anglais, fait qu'on va pouvoir se forcer un peu. Là. Oh, fait que Gallagher va commencer. I don't know why you're asking about him. I think he was, you know, they got a lot of good players. They got, I don't know, what was he? Minus one in the game. They have a lot of other reasons why we lost tonight. It was another good team. Great goalie. A couple guys in the back end. Il est en tabarnak. Ekko and Miosi that are... probably elite players and a lot of guys up front that can hurt you. So they're a good team. We just didn't really have enough, but we battled hard tonight and just didn't get the result. He was talking, doing what he does, but I don't know. Like I said, I don't know why we're talking about him. That's kind of what he wants. He came in here, tried to make it about PK Subban, which is, you know, what he does. You know, we're going to focus on our team and lost the game, try and regroup and go from there. Like I said, I don't know why we're talking about him. That's what he wants. You can let him talk about himself all night. I'm sure he'll give you guys enough lines. I'm not going to help that out. Fait que ça, c'était la meilleure line, c'était la dernière. Tout ce qu'il dit, c'est je sais pas pourquoi on parle de Subban. C'est ça qu'il veut qu'on parle de lui. Ouais. Il y a bien des bons joueurs cette équipe-là. Il est à moins un. Il est à moins un. Il nomme les autres défenseurs. On s'entend-tu, là, que... Mais c'est des réponses classiques quand même de oui, Gallagher. Il, là, il est correct. Il dit pourquoi qu'on parle de lui, tu sais. Ah, il est en tabarnak. Mais il est en tabarnak de la game. Mais il reste quand même, genre, tu sais, OK, je vais répondre. Que genre, je sais pas pourquoi, je vais répondre tout le temps la même affaire, tu sais. pourquoi qu'on parle de lui, pourquoi qu'on parle de lui. Tu sais, il va pas. C'est une question d'équipe, puis genre, je m'en sacre de lui. Tu sais. Ben, c'est parce qu'il veut, il veut pas être plus big que l'équipe profile, en étant genre ça. Gallagher, moi, Gallagher. Il veut pas commencer à faire son show. Là, c'est ça, exact. Parce que les journalistes. Tu sais que ça vient le chercher, mais c'est les journalistes. Pourquoi les journalistes arrêtent pas de poser une question sur. Parce que les journalistes veulent créer une histoire avec ça. C'est ça, ils veulent vendre la copie. J'ai écouté le point de presse, dans le fond, on a trouvé avec les joueurs là, au 98.5, puis à chaque joueur, les journalistes posaient tout le temps des questions sur Subban à tout le monde. Fait que dans le fond, ils sont allés à la pêche, puis ils n'ont pas eu grand-chose malgré eux. Là. Mais j'ai pas entendu, mais... genre, que... J'ai pas entendu que Gallagher, il était comme le seul à répondre aux journalistes ce soir-là. Il y a un journaliste qui a dit... Il y avait comme pas d'autres joueurs, il y avait juste Gallagher. Ben non, ils ont parlé à De La Rose, ils ont parlé à mais les journalistes, peut-être plus, c'est le seul gros joueur dans le fond qui a répondu pour c'est ça, honnêtement, j'ai pas remarqué qu'il y avait mettons Drouin ou Non, ils ont pas mis de gros noms. Gallagher, il fait tout le temps face à la musique. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui se présente à tout. C'est lui qui devrait avoir le C. Ils se sont assurés que ce soir-là, lui, il soit comme vraiment disponible face comme avec le sang dans le front en plus. Il saignait pis tout. Mais là, j'ai... extrait de Subban. Est-ce que Subban a été aussi modeste que Gallagher? C'est ce qu'on va voir. You know what? I miss those two guys. I'm always Pricey and Chucky and guys that I keep in touch with pretty regularly since I've been here. And I'm happy they came over to see me. Last time it was a little bit of a mess. So can't wait to finish up with you guys. So let's keep it short. What did Gally say to you after the goal? I don't think he said anything to me after the goal, no. But some guys from the bench were saying stuff. Bullshit, man. I couldn't hear it. It's so loud in this building. Wow. but I'm sure it's pretty quiet over there right now with 2 points on our side. I didn't see a smile from him tonight. I just saw the blood dripping down his face after he tried to hit me and fell down. So that's what I saw. I didn't see anything else. Other than that, it was just... a normal game as usual, just competing in the battles, and that's it, just trying to outwork the other guy on the other side. Well, when you're a guy that plays a lot of minutes and you're one of the better players on the ice, I'm used to having a target on my back, so that doesn't faze me. You know, at the end of the day, I'm smiling now because we got 2 points. That's all that matters. Mais tu sais, Chris qui parle de lui mais c'est correct. Quoi, mais jusqu'à la limite, mais la fois qui me dérange le plus, c'est comment qu'il commence. J'ai le goût d'aller parler avec mes chums, là, Chucky, puis Carey Price. Comme s'il y avait encore des grosses affinités dans le club. Off-season, OK, dans saison, ta gueule, là. Mais c'est du quoi? Il dit, ah, j'ai pas vu son sourire d'en face, j'ai surtout vu, genre, le sang, genre, quand il s'est plaqué, puis qu'il est mort. Le pire, c'est qu'il y avait une vidéo de Subban, que tu voyais Subban avec... Le soir de la game, là, avec Gallagher, pas Gallagher, avec Chucky, puis... Il y a une photo aussi, c'est sûr. Il reste tout, pas des gars. Tout le long, genre, Carey faisait juste regarder les pieds de Subban. J'ai l'impression que Subban était en gougoune ou je sais pas trop. Oui, il y avait des loafers blancs. Il regardait comme tout, juste ses pieds, puis il parlait avec le gars devant de lui, puis il faisait comme... What are those? Il y avait comme Jet, des petits souliers shiny, là. Ah, peut-être, mais il était comme en short, fait que c'était dégueulasse. Ouais, c'est ça. Je pense que sur le gym, il y avait des claques, fait que c'est... comme non, mais ce call-là de Subban, ça me faisait penser à un call genre de Patrick Roy en playoff. Les deux bacs de Coupe Stanley. J'ai pas entendu ce qu'il disait, j'avais mes deux bacs de Coupe Stanley. T'as entendu ce que Jeremy Roenick disait ou je sais pas quoi. Ouais, ça, mais ça, c'était plus cool, genre. Ouais, non, mais ça faisait penser à un genre de call de même. Ouais, j'ai pas vu ça en ce moment, j'ai juste vu genre. Là, j'étais comme. Bah. C'est le lot des gens de joueurs mangeant de merde un peu. Eh ouais. Fait que qui a gagné la guerre de mots, Gallagher ou Subban? Je trouve que c'est chiant ce que Subban a dit, là, parce que Gallagher était comme correct, puis l'autre, il était comme coup d'en bas de la ceinture. T'sais. Non, mais Subban, il a fait son show. Ben, Subban, c'est le meilleur là-dedans, parce qu'il est comme si politicien, là, il est bon jouer avec les mots, il est bon jouer avec les médias. Tandis que Jean Gallagher, il a juste pas comme voulu n'en dire rien, vraiment. Il a répondu un peu comme Crosby répondait en playoff l'année passée, par rapport à l'affaire qui pue de la gueule. Là, pis, La seule affaire qu'il a dit Gallagher, dans le fond, c'est... Si vous voulez parler de Subban, allez parler de lui. Je pense qu'il va être capable de parler de lui. Moi personnellement, si tu me dis la guerre des mots a été gagnée par Subban, mais personnellement, j'aime beaucoup plus un joueur qui a l'attitude comme de Gallagher dans ce type d'affaire-là. Ben, moi, je parle au point. Parce que moi, une équipe de hockey, c'est pas un joueur, c'est une équipe. Ouais. Fait que, le point de vue équipe, il est mieux. c'est pas mal plus cohérent. Il joue pour son équipe, il joue pas pour son show. Il joue pas pour son nom, il joue pour son équipe. C'est pour ça que Nashville ne donnera pas la coupe cette année. Tu sais, Subban, qu'est-ce qu'il dit dans son extrait? Ah, je t'ai dit d'avoir un target sur mon dos quand t'es le meilleur joueur sur la glace, c'est ça qui arrive. Ah, moi, je pense que Nashville peut gagner la coupe. Ah, ouais. Subban ne sera pas un facteur. Ah, c'est une distraction, ce gars-là. Subban ne sera pas un facteur, il sera pas un joueur pilier de la conquête de la coupe Stanley. C'est pas lui le gars du Conn Smythe. Ben non. C'est le gars du Norris. Il va gagner le Norris, par exemple. Ah, Chris, je pense qu'il y a 30 points en 30 games, quelque chose du genre. Là, c'est assez hallucinant. 30 points en 30 games, plus que 30 games de jeu. Non, de suite. De suite, je veux dire. Excusez-moi. Non, lui, genre, le thème important, je l'ai oublié. En fait, 60, il en a joué 30. L'autre 30, il était en train de checker la température de son cellier dans le vestiaire. Pour être sûr que c'est bien à point. Là. Fait que sur ça, on va aller faire un entraque pour venir pour la deuxième période avec les extraits audio. On est de retour pour la deuxième période. C'est comme mourir un peu en dedans à chaque fois, ce buzzer-là. Fait que deuxième période, la période des extraits audio. J'ai des extraits de Claude Julien. Les excès audio. Les excès audio, ouais. Et les excès d'alcool et tout ça. Des extraits de Claude Julien et un extrait de Dano cette semaine. Des nouvelles de Philippe Dano. Oh. Philippe Dano. Donc, commençons avec Claude Julien. Il y a eu une conférence après la défaite contre les Preds. Donc, la première fois qu'on lui a demandé, c'était « Claude, est-ce que tu es déçu du résultat du match malgré l'effort de tes joueurs? » Fait qu'on écoute ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on méritait certainement un meilleur sort. Je pense qu'on méritait de gagner ce match-là. On a tout fait, tu sais, et puis ce soir, il y avait deux bons gardiens. Ça allait garder le match serré. j'ai rien de négatif à dire de notre équipe parce que du début jusqu'à la fin, on a joué un match très solide, on a tout fait pour gagner, puis on aurait dû gagner. Ça a été un très bon match du Canadien quand même, mais celui-là. Un effort. Chucky a joué une grosse game, parce que, me semble, contre les Prédateurs. C'était beau voir. Oui, Trebek. En 3 contre 3, Chucky a eu plusieurs chances. Sacrement, mon gars. Mais c'est ça le problème avec Chucky. Tu vois que le gars, il a trop de talent. Comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est parce qu'il se met à exploser à un moment donné, tu fais comme, oh man, il va partir sur une lancée. Il est fort en tabarnak. Parce qu'à un moment donné, il était comme trop prévisible avec sa genre de feinte qu'il fait souvent, genre pour essayer de shifter un dev, puis ça marche jamais, tu sais. Il devient comme un petit peu prévisible à ce moment-là. Mais quand il fait une feinte, il shot au net, tu vois la shot partir, tu fais comme, oh man. Ah, il la garde. Ça, c'est sérieux. Il y a des habiletés certaines, c'est un danger. Il les utilise pas tout le temps. C'est un danger, c'est juste il n'est pas tout le temps finisher. Mais le 3 contre 3, là, il y a eu 2-3 séquences, Chucky, j'ai fait comme, hé, tabarnak, il a shifté un def carrément, puis il y a eu un asti shot au net, puis... Mais j'aime le trio avec Sherback. Tu sais, moi, Sherback, c'est un des gars que je haïssais le plus. Ah, oh, ben, Chris, avec les grands jambes. Ouais, c'est ça. Ah, mais il y a Sherback. J'ai comme l'impression qu'il a comme catché un peu ce que ça prenait pour avoir du succès. Fait qu'à un moment donné, je me dis, peut-être que ça serait à suivre. Tu sais, ça pourrait Sherback, donner que ça prend pour avoir du succès, là, c'est quand t'as un open net, là, Chris Ladon dans le net, pas dans le mid du goaler. Ben là, je vois loin, mais je sais pas si on peut dire que, mettons, le fait de jouer pour Sylvain Lefebvre aurait nui à son développement. Bois, certaines langues sales diront que... mais sérieux, moi, c'est ça, je pense. Le problème, il est pas juste parce que à Montréal. Il est plus haut. Ben, c'est gros, le problème. Tout. C'est le développement, c'est... le recrutement, c'est toute la direction, je pense. Le recrutement, on a recruté des bons, on les a tous tradés ou mal développés. C'est plus. Ah, mais ça me fait chier parce que j'ai fait de quoi. J'ai vérifié de quoi l'autre fois, puis vite fait à la job. T'as acheté le document que t'avais tout fait de mes affaires. Ouais, j'avais marqué une couple d'affaires, puis j'ai pas sauvé. J'avais fait de quoi pour toi, mais j'ai pas le temps. Mais j'avais des stats. Puis j'ai checké les joueurs repêchés depuis, je pense que j'avais checké comme les 10 dernières années par le Canadien versus, puis 10 ans, il était là, Timmins, là, 10 ans, ou à peu près. Ça longtemps, il était là même avant. Il était là avec Pierre Gauthier. J'ai checké depuis 10 ans à peu près, je pense que je remontais à peu près à ça, 2007, 2008 ou 2008-2009. Pis, t'es arrivé dans l'air bois. Puis Montréal, là, pour vrai, là, avait repêché la quantité de joueurs qui avaient été repêchés par Montréal et qui jouaient soit à Montréal ou ailleurs. Dans la Ligue nationale, était très petit. Tu regardais des équipes qui ont été contenders dans les années qui ont passé. Là. Qui ont eu des choix pas nécessairement des dans le top 10, mettons. Ouais, mais ils ont des joueurs qui jouent dans la Ligue nationale. Là. Fait que le développement était meilleur à quelque part ou le recrutement était meilleur. C'est quoi qui était meilleur? Je le sais pas, mais c'est une combinaison des deux. C'est ça, c'est-tu le développement? C'est-tu le ça me fait chier de pas l'avoir, mais garder mon hostile affaire. Il y avait pas, tu sais, je te dirais pas qu'il y avait, c'était pas genre la moitié de la ligue, là. Mais, tu sais, on devrait être dans ce top tiers, là. Ben, à Montréal surtout, là, tu sais, tu dis, on devrait être top dans tout. Tu sais, l'autre juste fois, pour ton affaire sur Nashville, là, c'était super bon, là. Qu'est-ce que tu disais sur Nashville, puis David Poyle, tout le kit. Mais à Nashville, ils pouvaient se le permettre parce que... D'être patient. C'est en 98 que ça arrivé, cette équipe-là. Ça a été sur 20 ans. Ça fait aussi, 20 c'est ça. Ans, puis ça fait à peu près 3-4 ans que c'est plus populaire, le hockey, là-bas, puis que ça pogne. Ben, pas rien que ça. Ils ont eu le temps de bâtir quelque chose, puis ils l'ont fait, je pense, de la bonne façon. Par le repêchage, surtout. Ouais, mais c'est une équipe d'expansion, tu sais, qui a pas comme bénéficié comme d'une expansion comme les Knights. Pas comme Vegas, non, mais les Knights, là, tu verras pas ça, là, à chaque expansion, d'après moi, là. Puis tu verras probablement même pas ça moi, chaque ça va année, donner là. La norme. C'est... Ouais, parce que dans le fond, on dirait que les gens, c'est choix, ben oui, on établit ça, là. Ben, j'avoue que la manière qu'ils vont changer les joueurs pour l'équipe. Pourquoi, toi, mettons, tu pars une nouvelle franchise, tu dis, ah, Chris, pourquoi que je commence j'ai pas un draft comme les Knights? Ouais, ça va minimum, ça va être ça. Le draft va rester le même. Le draft va rester le même. Non, ils vont le faire ça pour tout. À moins qu'ils négocient d'une prochaine non, je pense que le draft va rester du même style, mais je pense pas que tu vas connaître une expansion où l'équipe est numéro un dans la ligue à chaque fois. Non, mais elle devrait être compétitive à chaque fois, par exemple. Parce non, que compétitive, peut-être, oui, peut-être mais pas avoir un top. Non, non, mais là, on va finir numéro un à Vegas. Qui voyait Vegas comme un contender solide de la coupe? Personne, moi, je pensais pas ici. Oui, mais avec la façon qu'ils ont pu drafter, le joueur, ça aide en tabarnak. Oui, ben là, ce qu'ils ont pu faire, c'est drafter bien des défenseurs puis aller chercher après plein de choses avec ça. Puis là, les prochaines expansions, les DG vont être bien plus intelligents et ils vont y aller crissement plus stratégique là, avec leurs ben gars déjà, qu'ils vont protéger. Il y a plein de gars qui ça a fait l'affaire des DG aussi parce qu'il y en a qui se sont permis de passer plein de poids morts avec ça. Puis t'en as comme ou genre Marchessault qui se ramasse là-bas. Comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis les autres, ils ont besoin de faire un plancher salarial. Fait que ça leur prend des gros salaires à un certain point. Fait que tu sais, ça équilibrait bien tout le monde d'un sens, mais ça te fait une équipe bien plus compétitive en partant. Si tu pars avec des gars qui sont déjà tous NHL ready, mais je le sais, Alex, je sais, Marc, que ça va être compétitif, mais c'est ça. Ça arrivera pas à chaque fois. Là. Non, pas non, une équipe là, qui va être top. Ouais, c'est le genre de lucky bounce. Ben ouais, calvaire. Le bassin de joueurs qui était disponible, on sait même pas qu'à deux fois. Compétitif, je comprends. Meilleur que les équipes établies dans la Ligue nationale. Je m'attendais à compétitif. Ben, c'est pas établi. C'est peut-être juste une grosse calisse de saison de Mongol. Peut-être qu'ils vont se dégonfler l'année prochaine. Ben oui, mais c'est ça. L'année prochaine, j'ai hâte de voir le team. J'ai hâte de voir le team. Je pensais pas qu'il allait être performant cette année-là, moi. Saison. C'est un peu comme une recrue dans la Ligue nationale qui a une deuxième saison complètement différente. La gang. La gang mais vu que c'est comme toute une équipe playoff, là, vont peut-être sortir en première ronde. Peut-être. Ben, ce que je me demande, c'est, mettons, d'ici la date limite, s'ils vont faire un beau, genre sacrifier des choix pour aller chercher, mettons, un joueur de location pour leur donner un petit boost en playoff. Je sais pas s'ils vont faire ça. Ben, ils pourraient parce que, justement, ils ont des joueurs, par exemple, qui en ont de l'expérience des playoffs. Ben, Fleury, Neil était en playoff, Fleury était en playoff, puis Fleury en playoff. Ton goaler, là, c'est important. Il a gagné la coupe. Il a gagné la coupe. Ah ouais, deux fois. Ils en ont des joueurs, ils ont des jeunes, mais ils ont des joueurs qui ont participé aux séries. Fait que, ils ont quand même des joueurs d'expérience. Ils n'ont juste pas un noyau ensemble que d'expérience en série. Fait que, tu vas greffer un joueur de plus, ça peut peut-être aider, mais. Ça fuck-tu la chimie? Tu as déjà des gars qui n'ont pas d'expérience de série ensemble. Tu vas amener un autre gars qui n'a pas d'expérience avec l'équipe. C'est ça, c'est comme une belle histoire. Moi, personnellement, si je serais DG de ce club-là, je garderais le statu quo parce que les gars sont comme soudés ensemble. Même le coach, c'est une. Moi, si ça va bien, je touche pas, je pense. Ouais, moi, je pense qu'être le DG de cette équipe-là, ça va tellement bien là que l'année prochaine, tu veux pas avoir comme à surpasser ça. Fait que j'aurais comme les gars. C'est comme enlever le pied sur le gaz, un peu arrêter de jouer. Là. On va aller chercher un peu un first pick. J'aimerais mieux finir troisième. Ben, justement, demain, on joue contre Vegas. Là, c'est que j'ai hâte de voir, ça va être quoi le score final. Hey, j'imagine que le Canadien va gagner. C'est le genre de game que le Canadien va gagner. Moi, j'imagine déjà les gars demain, Steve. Qu'est-ce là, qu'ils font présentement? Party, c'est ça. Mais revenons à Vegas. Des escortes partout. Oh, ouais, il doit avoir un grand crise de miroir. Un crise de miroir avec des tables en vitre. Poudre. Revenons à. Julien, ses extraits. On parlait des grandes jambes à Sherbach, justement, là, avec ses grands cuisses. Ouais, grand on lui a demandé de comment. Parce qu'il y avait. De grenouille. Il a joué contre les Preds de Sherbach. On a demandé à Julien comment il avait trouvé la performance de Sherbach pendant ce match. Moi, je te dirais que, disons, en début de match, les premières présence ou même tu sais, de la première période, ça n'a pas été la meilleure. Mais, ils ont mieux joué ensemble, puis ça s'en vient. Tu sais, puis c'est d'avoir confiance, ces trois joueurs avec beaucoup d'habileté. Puis de temps en temps, ce qu'il faut voir aussi, c'est de qu'ils soient un petit peu, en anglais, selfish, là, puis qu'ils lancent un peu plus. Des fois, on essaie de forcer des jeux, mais ça s'en vient. Ils se retrouvent bien, ils se voient bien. Je pense que ça s'en va dans la bonne direction. Ça, c'est ce qu'il dit, c'est un gros problème. Je le mot clé, la confiance. Non, selfish. Arrête de vouloir passer. T'as une opportunité, tire dans le net. Mais le mot clé de son segment, c'est ça s'en vient. Ouais, ben, l'année prochaine. Mais son main, dans un an. Ça s'en vient. Ouais. Il donnait tout le temps. Ça s'en va dans le bon sens. Ça s'en vient. Ça. Il a manqué un petit but, Sherback, samedi en plus. Hein. Il avait comme le, il a gardé la rondelle, il était patient. Puis après ça, il a échappé à la dernière minute quand elle s'en allait traverser la ligne. Ouais, ça. Puis en première période, il s'est fait voler par Ranta. Ben, il s'est pas fait voler, tabarnak. Ranta, là, il a genre le save. René, tu veux dire? René. Ah, tu parles à la game d'hier, toi? Oui. Ah, tu parlais contre les Preds? Ouais. Ah, excuse. Avez-vous vu le goaler faire l'arrêt avec la mitaine en arrière du dos là? Ah ouais, oui, c'est Vasilevski. C'était hot pour vrai. Le tempo. C'est Vasilevski, c'était fou. Ça, sérieusement, là, il y a bien là, des haters. Et je regarde, ben, pas des haters, mais je regardais là, pas longtemps le top 10 des saves de Hasek. Ouais. Faisait des saves de même. Ben oui, mais c'est des saves de réflexe complètement. C'est des calices. C'est qu'il n'y avait pas de technique. Bon, puis il se lâche les bornes et genre. Ouais, mais les saves sont spectaculaires, man. Bon, pas tout le temps. C'était souvent de la dompe. Moi, là, j'ai regardé son top 10. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Son top 10, basé sur combien d'années. Puis tout, c'est sûr qu'il va faire. Combien il y en a slashé de volets, de Belfort, puis tout, là. C'est hot, man. Je suis curieux de voir. Les saves sont beaux en criche. Ah, ouais. Quand ils arrêtent, ouais, mais c'est spectaculaire. Moi, j'aime ça. Oui, mais c'est le top 10, comme il dit, c'est ses meilleurs moments. Dans ce temps-là, ça fonctionnait dans la ligue. Il va voir son top 10, c'est pire. Quand Vasilevski a fait ça, c'est parce qu'il était carrément en position, man. Puis il a juste comme. Mais il savait ce qu'il faisait. Ben, réflexe. Il savait ce qu'il faisait. Mais il y a quand même une partie de chance là-dedans. On appelle ça du awareness, du net awareness. C'est pas réflexe. Ça, c'est genre comme tabarnak. Je vais essayer tout pour le tout. Puis elle rentre dedans. Comme la fois que Price a fait une genre de roulade dégueulasse. C'est un moment. Puis il a réussi en position. Faut que je fasse ce que je Price, quand il a kické, genre la porte avec le tip de son bâton. Tous les goalers en font des saves de même. Ouais, ça, c'est ça genre arrive une fois de temps en temps, là, un save là, genre désespéré. Tabarnak! Fait que dernier extrait de Julien pour la game contre les Preds, on lui a demandé, avez-vous tous un ennemi commun en piqué Subban? On va voir ce qu'il va dire, lui. Écoute, le match qu'on joue ce soir, là, je l'ai aimé. Puis je vais parler de mon équipe. Je n'ai rien d'autre à dire de l'autre équipe. C'est bien dit, ça, Claude. Il a mis son pied à terre. Puis c'est vraiment dit, genre, quand... Puis je vais parler de mon équipe, là, OK? Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. Souvent, quand on blâme les journalistes, comme ils poussent sur Subban des affaires poches, ben, ils ont le droit, les coachs et les joueurs, de dire, comme, non, on parlera pas de ça, là, c'est n'importe quoi. Puis, ben, Claude, il l'a fait comme il faut, ce coup-là. Ben, c'est professionnel. Bravo, dit Claude, tu l'as bien dit qu'un souffle très, très court. j'ai un extrait de Dano. Ah, oh, ouais, c'est bon, ça. Dano, qui est blessé présentement, il est sur le bord de revenir, en fait. Il va revenir, ouais. C'est ça qui parle d'ailleurs dans son extrait, mais. On se rappellera qu'il a reçu... Il parle qu'il est revenu souvent. Un slap shot d'en face, la part de Shara. Direct en arrière de la tête. Dans le fond, il a demandé s'il avait trouvé le temps long. Il y a eu un slap shot sur le casque, puis Astor, il se fait jouer après le casque. Ils ont demandé, est-ce que t'as trouvé le temps long, puis t'es-tu content de revenir, parce que là, il est sur la route avec l'équipe. Fait que voici ce qu'il avait à dire sur le temps qu'il a été blessé. Ah ouais, beaucoup, écoute. Heureusement, ma blonde m'a aidé beaucoup là-dedans. Là. Elle a pu me divertir un peu. Mais non, elle m'a aidé beaucoup là-dedans. C'est un trip que tout le monde a goût d'aller depuis le début de l'année qu'on regarde. Donc, je suis content de faire partie de ce trip-là. Chantal il parle de quel trip, là? Hein? Je sais pas. Parce que sa blonde l'a diverti. Puis, c'est un trip que, tu sais, ça fait longtemps que... On vous rappellera d'ailleurs que Dano a probablement... c'est quoi la blonde la plus laide du Canadien selon Hockey 30? Bloc de marbre. La blonde la plus laide. Ça m'a juste fait rire de voir que c'est lui qui disait ça après ça, mais quand même, c'était quand même très drôle comme extrait ça de Dano. Ah là. Si, j'ai cramé quand j'ai vu ça. Je sais pas si c'était par maladresse qu'il avait dit ça de même. C'était pas ça qu'il voulait dire. Il m'a dit que sa blonde a tenu compagnie. Quand tu vois l'extrait vidéo, tu vois qu'il dit ça, puis le monde, après ça, il y a quelqu'un qui doit juste... Il y a un double sens, puis comme là, il Zelensky. Chantal avec ses idées cochonnes. Fais attention à Chantal. Tu sais, je l'ai toujours dit. Alors, dis-les pas. Mais c'est, j'ai pas tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Comme, comme Langevin, là, quand il arrête pas, tu sais, 91-9. L'avais-tu entendu, ça? Je sais pas. Ah, man, Michel Langevin qui est comme... qui arrête pas, genre, de... Parce qu'il y a une chronique qui parle à Chantal Maccabée, genre... Okay. Mais, ah oui, il y a genre Chantal, t'es belle, t'es quelque chose de même. Une belle femme, là, puis tu sais, hey, genre de c'est dégueulasse. À leur placer, ouais, il était ah, tu sais, comment tu fais, belle de même, puis tout ça, la belle Chantal, tu arrêtais pas, genre, c'était comme... Mais voyons donc! Ouais, c'est où, ça avait ressorti, ça, à un moment donné. Elle avait une chronique, je pense, au 91. Ouais, elle a une chronique, elle a matin avec eux autres. Puis là, après ça, il devait quasiment s'excuser, je pense. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, là... J'espère, à un moment donné, c'est parce qu'il était... Avant de présenter, il est comme, en tout cas, moi, si je t'ai donné une chambre de hockey, tu sais, il fait son mononcle, là. Ah ouais, solide. Il veut comme faire son cool guy, là, qui veut dire comme, mais vraiment, tu sais, tu sens qu'il reste. Ah, si je t'ai donné une chambre, en tout cas, moi, je t'ai donné une chambre de hockey. Je te sauterais dessus. Alors, si je t'ai donné une chambre de hockey, je tiendrais mon bâton serré. Non, mais je veux pas dire que c'était ça qu'il disait. Ouais, mais. Ah, ça sonnait. Même sérieusement, c'était malaisant. Moi, j'étais comme, des fois, je l'entendais, j'étais comme. Ah, puis, si je t'ai donné une chambre de hockey, je t'ai passé en entrevue dans la douche. Ah, c'était pas intense dans à l'air du MeToo, ça ne passe pas. C'est ça, ouais, puis c'était avant ça en plus. Comment t'as dit ça? Dans l'ère du MeToo, là, ça passe pas. Ça, là, non, là, mais c'était. Mais même dans peu importe l'ère, ça passe pas. C'était pas si intense. C'était dégradant. C'était pas mais... si intense. Là. C'était pas intense tant que ça, mais c'était comme. C'était malaisant. C'était comme tabarnak. Ok, arrête. Là, décroche. J'ai des images. Moi, souvent, quand j'écoute cette station-là, là, des fois, puis surtout lui, ça m'aide souvent dans ma tête. Je me parle tout seul, je suis comme. Hey, décroche, calice. Il parlait, là. Il parlait, c'est à la mère, au père. Au père de la fille qui a des menaces de mort. Là. Mais en tout cas là, quand vous allez voir votre fille, là, embrassez-la. Pour... Laisse-y donc faire aux Olympiques, sacrament. Aux Olympiques. Lâche-les, genre, embrasse ta fille pour nous. Il nous reste deux extraits de Claude. Et puis l'autre, c'est bilan de Claude Julien après un an après son embauche. Fait qu'on lui a demandé, fait que mon petit Claude, t'es-tu fier de ta première année avec le Canadien? Mais t'es le premier qui me le. Je me rappelle, là, je savais pas que c'était demain. J'ai pas vraiment pensé. Tu sais, t'as pas de gâteau pour ça. Là. Comme ça, là, je pense à ce qu'on doit faire continuer à. Si, qu'il y avait un plomb d'habilité. À tourner ça en victoire. J'imagine qu'il a fait un esti de look au gars qui est jappé le 2x4 en arrière. Là. Ah non, ça c'était un plomb dans la baie vitrée. Ah peut-être. Ah, il prenait l'esti de bord de la glace. Là. Fait que, il s'en souvenait pas que ça faisait un an, il s'en calisse. Il essaie d'oublier en fait. Claude, je pense qu'il est alcoolique un peu, c'est bon. Il essaie d'oublier, il boit son scotch chez eux. Il a fait juste... le bord, ça t'abandonne. Il a dit, ah, ça fait juste un an. Hein? Il a dit, ah, ça fait juste un an. Il me reste 4 ans, mon père, c'est ça. Fuck. Ouais, mais qui reste à 5 millions par année. 20 millions. C'est ça. Est-ce qu'on le paye cher, pareil? Hein? Ouais, 5 millions par année. Ça n'a pas de bon sens, comment ça se fait? Ah, ben, remercions à Montréal, à Toronto. Babcock, c'est ça. Babcock, c'est cher. Puis on paye Terrien présentement qui était à 4 millions par année. Là. Il était à 4 déjà? Ouais, Terrien, c'est la dernière année de contrat, c'est l'année prochaine. Mais Babcock, il a monté la barre pour... Bon cas, Babcock. Je suis curieux de savoir c'est quoi le salaire de Bergevin, sérieux, parce que ça n'a jamais été dévoilé publiquement. Le salaire de Bergevin, c'est pas tant que c'est ça, c'est-tu plus que non. Julien? C'est non. Moins. Ah, moi, je pense que c'est un 5-6, d'après moi. Peut-être 4-5 millions, là. Ouais, dans ce coin-là, j'ai l'impression. Je serais surpris de plus que jusqu'en ça. Moi, je penserais moins. Mais je serais surpris que... de moins, moi. Non, parce que l'autre, le coach, il faut qu'il y en avait des Kodak à toi et soir. Ouais, mais. Ouais. Malette, pas jusqu'en 2022, Malette. Jusqu'à ta mort. Ah, en 2021, hein? Hein? Destiny. Ouais, on va te donner une fausse date, là. C'est pas poigné à Ah, il reste un extrait, et puis. Il va être dans les annales. En fait, moi, je l'ai dans l'annale, pas mal. Ah, ben, moi, j'ai le club dans le péteux aussi cette année, là. Mais on a demandé à Julien si sa perception du club avait changé après sa première année avec le club. Faudrait que ça parte. Ouais. Tout ce que je peux dire dans le cas de cette année surtout, c'est que on savait qu'on voulait donner la chance à des jeunes joueurs de s'intégrer dans l'équipe, ce qu'on a fait. C'est sûr qu'il y a toujours un petit, comme qu'ils disent en anglais, des « growing pains » avec ça. Mais ce que je vois présentement, c'est des jeunes joueurs qui s'en vont dans la bonne direction. Moi, j'aime la direction que l'équipe s'en va. Peut-être des gens vont dire, non, ils ne sont pas dans une série comme c'est là. Je comprends cette situation-là. Mais je pense pour le futur, que ce qu'on veut accomplir, c'est qu'on voit des. Que ce soit des Sherbacks qu'on voit maintenant, que ce soit les Hudon, tu sais, les Mété, je peux en nommer là, plusieurs jeunes là, qui sont ici, qui continuent à s'améliorer puis de bien jouer. Même des Lekkonen qui étaient blessés, maintenant on voit qu'est-ce qu'il peut apporter. Tu sais, c'est des choses qui s'en vont dans la bonne direction. C'est sûr qu'on a des ajustements à faire en cours de route, mais ce que j'aime de cette année, c'est qu'on a eu plusieurs joueurs qui se sont améliorés depuis le début de la saison. Puis c'est une, comment, ça paraît bien pour le futur. Ce que j'aime de cette année, c'est qu'on est sur le edge, là, on ne sait pas qui va perdre sa job. Il y en a un petit gars qui va marquer un but à un moment donné. C'est comme une année, coupe-gorge. Mais qu'est-ce que tu veux dire, rendu là? Complètement... Ben, regarde, la saison est scrap, anyway, là, fait, arrêtez de poser des questions. Donnez-y congé. Ben, on va tout passer chez ça, le ça, c'est ton dernier extra. Ouais, ouais. Mais tu sais ce que j'avais parlé dans le chat, là, qui a dit que... Ouais, il y a un journaliste qui a demandé, il a demandé dans la chambre, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont lancé la serviette? Puis il a dit, s'il y avait commencé la serviette, on va les tasser. Là. Ouais, il dit, en tout cas, il dit non, moi ce que je te dis, c'est que dans la chambre, je vois pas ça. Puis s'il y en a qui agissent comme ça, comme des joueurs qui lancent la serviette, il dit, moi je vais m'arranger comme pour les tasser. Mais bullshit, Chris. Hier, t'as benché, t'as mis des estrades avec des roteux. Des lauriers. Des lauriers. Ah, mais Des lauriers en premier de tout. Des lauriers, Fraser, on s'en calisse. T'as-tu compris c'est quoi, c'est la raison qu'il avait donnée? Il avait dit, dans le fond, c'est parce que ils sont dans une période de prise de décision, genre, pour les prochains jours. Fait qu'ils sont en train d'évaluer tous les éléments sur place. Fait qu'ils voulaient comme mettre de côté Fraser puis Delaurier pour faire jouer les autres. Ça s'avoue qu'il n'avait pas joué, juste pour voir un peu là, où est-ce qu'on en est rendu. Puis d'après moi, c'était plus mon opinion, je pense. Que Delaurier, il sait déjà à quoi s'attendre de ce gars-là. Fait que, garde, prends congé à soir, relax. De toute façon, on fera pas les séries. Pourquoi? On jouera ça. Tu fais pas jouer C'est pas une superstar, est-ce non, dit, moi, je suis un référent. Delaurier, il veut jouer, man, ce gars-là. Non, c'est ça, mais il faut tout jouer. Ce gars-là, il veut jouer. Il va jouer, puis il va jouer samedi, c'est sûr. Fait que là, la raison qu'il a donnée, c'est qu'il évalue son staff présentement. Puis je pense qu'il a eu la réponse à sa question, c'est que. Tu sors plus Delaurier, il fait plus jouer Delarose. Puis c'est qui l'autre qui a rentré? Ben, Carr, il a scoré hier. Delarose, là, je sais même pas pourquoi on donne encore son nom à ce gars-là, man. Tabarnak, man. Ben, y a-tu un gars, mettons, avec le Rocket qui pourrait prendre sa place? N'importe qui d'autre. Je l'ai, man. Je l'aime pas. Échange-les contre une poignée de peanuts. Une douzaine de roses. On l'a signé pour 2 ans, je pense. Une poignée de peanuts d'une machine à 25 cents, là, tu t'as vraiment pas beaucoup de peanuts. Des peanuts, genre, déjà lichés. des peanuts, genre, que ça fait genre des 20 ans qu'ils sont là, man. Pre-licked peanuts. Mais c'est genre mettons par rapport à ce que tu disais là que il y en a qui ont lancé la serviette puis tout ça là. Pour la première fois je pense de sa carrière de commentateur, Marc Denis il passe à la radio le matin à TSN là, puis il a blasté Pacioretty là comme j'aurais jamais cru qu'un gars d'RDS blasterait un joueur du Canadien. Ah mais Marc Denis, il est pas suspé là, pas d'agenda. Là vraiment, il a pas gardé la langue dans sa poche, puis il avait l'air d'un gars genre radio, vraiment déçu. À radio qu'a fait ça? À radio. Mais à radio, il est plus il dit plus sa façon de penser que RDS. Mettons à TV en direct, il va peut-être être plus il y a une certaine retenue, mais là il a dit, tu sais, il dit Calis, mettons là qu'il dit il est nerveux parce qu'il a la timide des échanges, ça s'en vient. Mais joue avec ton cœur au moins pour montrer que t'as un contrat signé dans un an. Parce que Pacioretty, en plus, mettre l'émotion dans ton il est revenu de la blessure que Chara, puis il jouait comme la merde, on a dit « Oh, il est nerveux, il est revenu de sa blessure. » Là, « Oh, il est nerveux, il va se faire échanger. » Tabarnak! Il est nerveux à tout, c'est quoi, là? Mais Gallagher, là, tu prends passe droit, là. Lui, là, Gallagher, il est fier de jouer, puis il joue, puis il se présente à chaque callis de game. Mais c'est pas son tempérament. Mais c'est ça, mais c'est ça le problème. Pacioretty, il est pas comme ça. C'est ton leader. Ben, c'est eux autres qui ont élu. Il y a même un journaliste qui a posé la question à Pacioretty, puis tout ça, mettons, par rapport aux échanges, il dit, moi non, je veux finir ma carrière à Montréal, puis je veux pas être échangé. Ouais, c'est des choses à dire quand t'es joueur. C'est ça, mais il a dit, non, non, je veux pas être échangé, je viens de me faire construire une maison. Hey, on s'en colle, c'est toute ta maison. Non, mais c'est pourquoi dire. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, malade? Il n'y a déjà pas de caractère, c'est parce qu'il va comme. Ben, il va pas dire. Hockey is a game like that, and I know if I'm traded, I'll deal with it. Non, il va pas dire ça. C'était pas on the record, là. C'était pas une entrevue, que, genre un audio mais ou quoi que ce soit. C'est une réponse très politicienne. Ouais, et voilà. Les joueurs disent ça à peu près partout dans la ligue. C'est comme quand ils sont tradés à Montréal. C'est comme à Montréal, c'est la meilleure ville à jouer au hockey au monde. Il y a sûrement une partie. À chaque fois qu'il y a un joueur qui est tradé à Montréal, il est tout le temps comme un relative qui est comme... mon oncle, c'était comme un fan des Canadiens. Mais c'est peut-être vrai parce que c'est sûr que le Canadien, c'est une équipe mythique en même temps. C'est comme les Yankees. C'est sûrement vrai, mais ils sentent tout à ça. Ah, mon grand-oncle était un fan des Canadiens. À un moment donné, ça va remonter. Genre mon ancêtre était... Mais là, ça va changer parce que le Canadien... Carey Price, là. Ouais. Ma mère est catholique, là. Tu sais, majority, là, il n'y avait pas d'affaire. Oui, ça va changer, ça, parce que là, les générations plus jeunes, les Canadiens, ce ne sera plus une équipe aussi mythique. Non, c'est pour ça que ça a plus le cœur au ventre. C'est ça, je parlais avec Jeff tantôt, là. Vraiment, là, mettons, depuis notre naissance, là, entends-tu que cette année, c'est la pire saison, qu'on vit présentement de notre existence? De mémoire, en 30 ans, la saison qu'on est allé chercher Chucky, là. La saison d'avant. Ah, mais c'était pas autant de la merde. On a soqué. Oui, mais il y a... Ah, mais là, on bat des records. On bat des records de spectacle dégueulasse. On était plus bas, là. Tu veux dire... Là, c'est même pas intéressant. En général, la qualité, puis tout ça. C'est la pire saison de hockey. Au moins, c'est arrivé des toughs. Mais je m'en rappelle de cette année-là, moi, tout, puis c'était pas vargeux, là. Non, mais... On a fini, je pense, 27e, 28e dans la ligue. C'est ça, mais... On a cherché le troisième choix au repêchage. On a mis dehors l'assistant coach à Jacques Martin début de saison. C'était quoi son assistant? Non, on ne s'y est plus. Cunningworth? Non, c'était un autre gars qu'on a mis dehors. L'assistant coach à après sa match, je pense qu'on avait 1-6 comme fiche en début de saison. Puis, mettons, au lieu d'avoir un gros trade, tout ça, ils ont mis dehors l'assistant coach à Jacques Martin. Gary Daigneault? Le gars, il était tellement pas important. Puis... Ça n'a rien fait parce qu'ils ont finalement mis dehors Jacques Martin. Je pense que c'était après les fêtes. Perry Pern. Perry Pern, c'est vrai de ça. Merci à The Mighty Joe 19 dans Twitch qui m'a donné le. All right, le nice. Direct avant la game contre les Flyers, ils font Perry. Ça. Oh, ils... oh, oh oui, man. Je l'avais oublié, puis là, tu avait comme le rappeler avec son pinch blanc. Il n'était pas de deux couleurs, son pinch. Il avait comme un petit brun. C'était gris-brun-noir. C'est pour ça qu'on t'en dit Rex pour avoir les inputs des fans. Vas-y, Jeff, c'est ça, finalement, on a l'impression qu'on a gagné la game contre les Flyers cette journée-là. T'sais, on a comme gagné, je pense, 2-3 games en ligne. Puis ça recommençait à baisser. Puis là, finalement, ils ont mis d'or. Cette année-là, là, c'était vraiment une année bizarre. Comme je vous ai dit cet après-midi, on redonne ça à Michel Therrien, sa quote. Pacioretty, c'est le capitaine de l'histoire des Canadiens de Montréal. Je dis oui, Michel, oui, tu papa. Avais raison. Oui, s'il l'a pas dit, en fait, on va finir la période il sur ça dit, ici. Hostie. C'est une équipe qui est molle. Pacioretty, c'est mou comme de la merde. Non, mais c'est vrai. Toujours autant d'actualité. Fait que ce soir, on va aller faire une entente pour vivre la troisième période. Yeah. On est retour pour la troisième période. Et c'est maintenant le tour de faire le tour. Le temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Je suis comme confus par les bugs techniques, les tours de temps. Donc, pour Around the NHL, cette semaine, étant donné que la période des transactions achève, en fait, on a décidé de vous montrer un top 7 des joueurs les plus susceptibles de changer de date. Un top 7. C'est précis. Mais en fait, j'ai dit à JF, donne-moi en 8, m'en a donné 7. Fait que... Fait qu'on a un top 7 des joueurs les plus susceptibles de changer d'adresse d'ici la date limite. Donc voilà, ici à l'écran. Top 7, c'est comme dire un top 4. Mais ça, c'est un top 7, là. Ça veut dire que c'est des gros noms. C'est là. Les gros noms, les joueurs les plus à surveiller. On les a ici avec un super Photoshop de ma part. Donc voici la liste des joueurs. Fait qu'on a Mike Green. On a Rick Nash de New York Rangers, Mike Green de Washington, Evander Kane de Buffalo, toujours propre Evander Kane, Mike Hoffman d'Ottawa, Thomas Vanek de Vancouver, Ryan McDonough qui est dégueulasse en photo. Des Rangers et Derek Brassard d'Ottawa. Mais tu remarques une chose là-dedans, c'est qu'il y a une tendance, puis la tendance, c'est qu'il y a des joueurs qui, année après année, ils reviennent. Il y en a quatre là-dedans qui sont nommés régulièrement. Vanek. Rick Nash, Mike Green, Kane puis Vanek, c'est des gars qui reviennent. Vanek, souvent. C'est le gars qui a le déménagé le plus souvent. Ouais, Vanek a fait Vanek, trois équipes. Evander Kane aussi, quand même. Evander Kane, non, mais il a fait deux équipes, mais il a été souvent nommé. Ah, depuis qu'il est avec Buffalo, je pense qu'à tous les années, il va se déménager. C'est ça, avec Buffalo, là, je pense à chaque année. Ça a été un mauvais trade pour eux. Il a des hosties d'oreilles de Grappler. Mike Green, même affaire, man. Il est nommé régulier. Ouais, mais Mike Green, il a bougé une fois. Non, c'est ça. C'est vrai, il n'a pas bougé. C'est comme là-dedans, là, mettons, là, l'affaire que je remarque le plus, là, c'est que c'est moitié-moitié. Là. T'as trois joueurs qui sont UFA, puis t'as trois moitié-moitié, joueurs... Moitié-moitié, où ça? Il est à combien? Ben, mettons, Green, c'est un joueur de location. C'est parce que c'est comme 3,5. Evander Kane, c'est un joueur de location. Puis Thomas Vanek avec, tu sais. Puis Thomas Vanek, c'est le plus grand joueur de location ever. Ah oh ouais, ah oh ouais, ouais. Tu sais, c'est l'année c'est, passée, l'été, il jouait à Détroit. C'est Loutek. Je sais pas si c'est déjà. Chez Loutek, là. Là. Ouais, je vais te prendre un Thomas Vanek, ça plaît. T'avais des infos à donner, GF, sur des joueurs, toi, ou c'est... Ben, l'affaire que je pense qu'il faut remarquer dans tout ça, puis justement, tu sais, mettons, si on recule une semaine avant, Mart, il parlait, il y a une conférence de presse ou une lettre des Rangers. La fameuse lettre. Ouais, ils ont finalement annoncé que... Juste une lettre, là, ils ont fait un point de presse. Il a commencé par la lettre, puis point de presse. Ouais. Conférence de presse, non, presse et la lettre. Conférence de presse avec les mains dans les poches qui parlent à côté du micro. Hey, merde, c'est débile. Ça n'a pas de bon sens, ça. Il répond au journaliste, puis comme, il va même pas se mettre en avant du train, man, puis comme, blablabla, puis il parle, il est comme. Tu sais, en voulant dire, genre, mon calice, là, c'est quoi vous voulez, là? C'est ça, Glenn, il est quoi? Il est président du club, je pense, ouais. Là? Puis les Rangers ont annoncé qu'ils feront une reconstruction. Quand ils sont à deux points de faire des playoffs. Ouais, c'est vraiment bizarre, ça. Puis. En saison. Il y a Ottawa qu'on Ottawa. Pense que c'est assez évident que. Mettons, l'équipe. Il y a une vitrine, genre une vente de feu, si on veut. Ottawa, ils ont. C'est qui l'autre équipe qui a fait une lettre? Vancouver. Ouais, c'est Vancouver. Vancouver, ils ont dit. Le que, Rangers, ils ont parti de mode. Ouais, une lettre ouverte. Mais sauf que l'affaire que je me demande, là, ouais. C'est-tu bon de faire ça? C'est comme si tu jouais au poker, mais avec les cartes à l'envers, il me semble. C'est maquiller des erreurs que tu as faites à travers une lettre, c'est endormir le monde. Dans le fond, c'est comme acheter si s'excusait, la paix. C'est la paix. C'est de rouler le side B de la cassette, dans le fond. Là. C'est une autre forme de cassette que tu présentes sous forme de lettre. Puis là, le monde, il lit ça, puis il digère ça. Il faut comme, OK. Ah, ils s'excusent, ils ont compris. Ouais, moi, c'est comme ils vont un meilleur que le pas. Effort. C'est un meilleur que le pas que tu fais sans te faire questionner par les journalistes direct sur tes réponses. C'est un statement. On va être attaché pour les trois prochaines années, on vous le dit tout de suite. Toi, là, tu vas être plus passif quand t'écris, mettons, tu veux exprimer un peu. Les sentiments à quelqu'un. C'est Jean-François, là. Jean-François. Quand tu veux exprimer un problème. Ouais, des fois, c'est une lettre. Mais quand t'écris, comme... tu contrôles mieux l'information parce que en direct, mettons, comme Bergevin, des fois, ça peut sortir à l'envers. Non, mais c'est parce que tu peux aller au fond de ta pensée. Ça peut sortir en anglais aussi avec Bergevin. Sans te faire couper le fond de ta pensée, t'envoies la lettre, tu dis prenez ça, puis après ça, vous poserez vos questions. Là. Prenez ça, digérez ça. Ouais. Puis après ça, puis manger tout un hostie char de merde. Ouais. Parce qu'on va le faire, on va être pourri. On va manger de la merde pendant des années. Puis après ça, on va espérer revenir fort. Puis si ça marche pas, ben. Fuck you. On va ressortir une autre lettre. On sera fuck plus avec des sinon, photos. C'est quoi, les gars? Je mange la merde. Vous mangez de la merde. On va tous manger de la merde. Tu vas manger de la merde. Puis du pain noir. Là, nous autres, on mange notre merde en calice. Ah ouais, ouais. Il y a personne qui me fera pas à craindre que là, on n'est pas en train. J'attends ma lettre. Je veux une lettre. Ouais, j'ai vu ma lettre. Moi aussi, je veux une lettre. Pas ma lettre. Je veux pas ma lettre, ma lettre. Donc, tu veux juste un peu. Je veux une lettre. La lettre est bien meilleure. Est où ma crise de lettre? On la mérite, notre lettre. Je veux ma lettre. Pas ma lettre. Ma lettre. Letter. Mais là, je te dirais que le joueur où c'est la soupe est chaude présentement, c'est Ryan McDonagh. Ça a l'air qu'il y aurait deux clubs qui se battent pour lui. Ouais. C'est Montréal. Boston puis Tampa Bay. Il est tellement laid, ça n'a aucun bon sens. On dirait qu'il y a comme la face à on s'entend que c'est un bon défenseur. Ouais, c'est il a fait un gros joueur. Genre le gars qui a fait un ACV, mais il a figé juste d'un côté de la face. Non, il a 27. Il y a juste 27. Ouais. Il a 27. Il reste encore un an à son contrat. Comme dit la face en deux. On dirait qu'il y a comme eu un ACV, puis il y a juste comme eu une moitié de la face qui a figé. Mais en général, la face à la face d'un bord, là, on dirait que sa face, elle monte à droite. C'est, en tout cas, c'est très visuel. Je veux pas avoir un défenseur asti qui aïe l'agent chrétien. Fuck off. Il est paralysé du côté gauche. Je veux pas avoir un... Ben non, je dis ça en Jean-Claude. C'est comme il y a eu un bug de ça. On sentait mal parce que ses parents l'ont battu, ils l'ont placé. On dirait que t'as coupé le son carrément. Ouais, c'est vrai, ça a comme coupé des silences. C'est comme quand tu ramasses comme une affaire avec la balayeuse. Il n'y a pas eu de bug. Ça n'a pas lagué. Non, mais. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux pas d'un défenseur qu'on avait. Qui a la face, qu'on avait, puis qu'on a échangé contre Gomez. Là, non, non, mais c'est pas nous autres qui étaient intéressés. Oh, c'est, non, je le sais. C'est Tampa Bay, puis Boston. C'est vraiment juste les joueurs qui vont se promener. Ça, Dave, là. Ça, Dave là, ce que t'as dit, là, c'est exactement comme Tampa qui cherche un joueur exactement comme Delorier, mais qui veulent pas aller le chercher, ils veulent pas donner de pic pour Delorier parce qu'il a passé par le ballottage. Fait qu'il y a aucun DG qui veut donner un pic à Montréal pour Delorier, exemple. Parce que ce joueur-là, il a été récupéré au ballottage. C'est comme genre un constat d'échec faire ça. Là. Ouais, ouais. Il a passé à côté fait qu'il n'y a pas chose. De valeur, Rusty. Ah, mais il va en prendre aussi. Il va en prendre, mais non, t'as pas tant que ça. Mais non, mais pas, il ne deviendra jamais un joueur d'importance. Il y avait des rumeurs de genre de signature de contrat de Delorier pour 2 millions. Puis t'as comme Danny Dubé qui a dit êtes-vous fou calice? C'est beaucoup 2 millions pour ce genre de gars-là. Mais ce gars-là, il va aller chercher. Un max. Il va aller chercher 1,5. Ah non, même. Moi, je donne 8 millions. 8 millions pour 8 ans. Mettons 1 million par année. Tu signes 8 ans? 8 ans! Tu sais jamais un gars de même pour un Québécois, tout le monde aime ça. Non, mais il va avoir genre 875 000 qu'ils disent à peu près. Ben, lui, il voudra avoir 1 million. Il vaut pas plus qu'un million. Mais c'est. Oui, le gars, tu peux pas te payer. Le plancher. Paul Byron vaut 1 million. Ouais, mais il en sait rien. Paul Byron a beaucoup plus. Ouais, peut-être. Mais Paul Byron, encore là, tu sais, 3 projets. Pour 5 ans, 3 millions. Mais le plancher pour un joueur, c'est quoi? C'est 800 000, 850 000, genre? Le plancher, non, c'est 750 000, je pense. Ah, le plancher? 750. Le minimum, tu peux donner. Ouais, pas un rookie. J'avais dans la tête rookie, c'est 950 000. Je pense que c'est 750, parce qu'avant, c'était 550 000. Ouais, là, ça peut même être 750 000. Moi, je dis le plus, c'est vrai. Le plus, c'est 900 000 avec Bonnie. Plus Bonnie, genre. Non, mais j'ai juste le moins que tu peux donner à un joueur établi. C'est 725, 750, je pense. C'est le salaire qu'on a donné à Charlie Lindgren. C'est pas genre 600 quelque chose? C'est 750 000, je crois, mais je pense que ça a monté. Je dirais 750. Delorier, max 1 million. En haut de ça, c'est assez ridicule. Ah, Delorier. Puis même 1 million, c'est quand même cher. Non, c'est Delorier, ça ira pas chercher. 1 million gros top, puis il va aller chercher 875, moi, je pense. Probablement. Puis pas pour 8 ans, s'il vous plaît. Pour 3 ans, ça serait. Écoute, moi, je suis pas 3 ans. 2 ans, ouais. De toute façon, faut qu'il se garde l'argent pour signer. Ça va être des up and down, d'après moi. Là, ah, lui, je pense que ça va être surprenant s'il garde la même constance encore l'année prochaine. C'est ça, là, il cherche ça justement à faire ça. Ben, vu que c'est à Montréal, il va peut-être avoir le goût de se donner un petit peu plus parce qu'il est chez eux devant ses amis. On sait pas. Ben, il est prêt à tout le calice. Mais lui, là, c'est le genre de gars. Là, up and down, tu vas dire à soi, t'es healthy scratch, puis il va fermer sa gueule, il va faire comme, ben, calice, ok. Il faut qu'il s'attende à sauter. Il va avaler la pelule, là. Ben c'est ça, ben là on a Boston puis Tampa Bay qui se battent pour McDonough, puis on s'entend, tu sais, là je mettons faire une parenthèse, tu sais, mettons Pacioretty là. Ouais. Là ça a l'air que Bergevin serait trop gourmand. Ben il lui a espéré qu'il demande un first puis un centre numéro 1. Ouais, un bon prospect. Un centre prospect, excuse. Là, il y avait des rumeurs, mettons, à Saint-Louis pour Robert Thomas, qui est un prospect au centre. Robert puis, Thomas? Je pense pas que Saint-Louis vont échanger un centre futur top 6 contre Pacioretty. Il n'y a pas un club épais qui vont faire ça. Fait que je pense que malheureusement, on va devoir se concentrer sur le repêchage pour se trouver des centres. Pacioretty, ah ouais, puis là Bergevin, il va chier encore à cette petite colline. C'est ça. Je m'entends pas qu'il part à date limite, mais c'est parce que plus il va attendre pour l'échanger, plus sa valeur va baisser. Fait que tabarnak, Asti, mets de l'eau dans ton vin et puis échange. Ouais, ben, surtout là. Que là, il joue comme la marde, Pacho, puis il est pas attrayant. Non, mais tu sais, OK. Non, mais c'est ta job en tant que DG, c'est de le vendre. Wow. Le vendre, il n'est pas dur à vendre, Pacho. T'arrives au. À date limite. T'arrives à date limite. Tu vas me donner la réponse que Bergevin va te sortir. Il n'y a pas de trade. Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'y a pas de trade, qu'est-ce que Bergevin va dire? Il va dire qu'il n'y a pas eu ce que j'ai regardé pour améliorer l'équipe, mais c'est difficile de faire des échanges. Genre quelque chose dans le c'est genre. Sûr, c'est ouais, sûr. Oui, oui, c'est dire. Ça. Il va dire, ben, c'est pas le bon moment pour échanger à la date limite de il va dire. Marc, écoute, je vais dire. Là, après ça, tu vas arriver au repêchage. Ah, ben, écoute, là, on n'avait pas de. Là, il va sortir l'autre shit. C'est tout ça. C'est tout ça, c'est parce que. Genre... Mettons qu'il se dit, OK, c'est pas le bon moment de l'échanger là parce que. Il y a pas ce qu'il bon voulait. C'est pas le bon moment pour rien, Calis. S'il attend. À part pour aller chercher un bottom six, man. S'il attend cet été, là, sa valeur, il n'y aura pas plus que qu'est-ce qu'il va avoir là cet été, là, parce que non, là, il va rester un an. Là, l'équipe qui peut l'avoir, va l'avoir pour deux playoffs. Fait que, écoute, je m'attends pas qu'il soit échangé, mais je serais extrêmement déçu que ça arrive pas là. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas un club qui a démontré de l'intérêt puis qu'il y a moyen de faire de quoi. T'sais, ouais, mais tu sais, Mallette... Mon Dieu, c'était-tu l'audio, ça? OK, c'était toi. Non, OK. C'est Julien qui c'est toi. Ouais, mais tu sais, malade. Non, je sais pas. Écoute. T'sais, à la fin de Julien est avec la femme Adano. Julien avec la femme Adano. C'est pas supposé. Ça arrive jamais. On dirait que c'est une histoire qu'on compte. Puis, tu sais, là, on a vu qu'il y a beaucoup d'alliés présentement. T'sais, c'est sûr que les équipes, genre, ils vont se dire comme, OK, si Bergevin demande trop pour Patchio, ah, ben, je vais aller chercher Van Der Kane, il me coûte moins cher, ou je vais chercher Rick Nash, il coûte encore moins cher, il va me coûter un choix de deuxième ronde, puis le deal doit être fait. C'est comme, j'ai peur. Hey, sérieusement, ça, la pas, direction là. Des Canadiens, là, ils mènent le club comme une game des Canadiens, tout le temps en rattrapage. Oh. Tout le temps en déficit de deux buts. Tout le temps en déficit de deux buts, tout le temps deux coups en arrière. Est-ce qu'on se fait tout le temps scorer deux buts rapides cette saison? Ça n'a pas de bon sens. Des buts back-à-back. Back-à-back? Deux buts en le club meurt. Le Canadien, cette année, a battu un record d'équipe. Le blanchissage? Non, le nombre de games dans une saison que le Canadien a compté un but ou moins. C'est plus que 20, je pense. C'est 18. On est rendu à 19-20. Ah, on peut encore moi j'ai dit on peut l'améliorer moi, de jour dit, en jour une couple de semaines au monde à ma job, j'ai dit on va le battre puis on va probablement le battre à plate couture. Ah ouais, ouais, on va s'arranger pour pas qu'il passe. On va le défoncer. On va te le couler dans le ciment. On n'a pas un record aussi sur le plus de défaites à zéro but. Gars, là, blanchissage. C'est, on a comme 8 blanchissages. On a égalisé la pire performance de l'histoire du Canadien à 8 matchs. Mais c'est pas fini. C'est pas gars, fini. Gars, il reste encore 25 games. Ce record-là, ils vont te le déguer, genre, Peter Nord dans Jenna Jameson. Ils vont se la prendre moyenne âgeuse en moitié. Il serait inatteignable un peu comme les 200 points de Gretzky en une saison. Ouais. Ou les 1000 de Jagr. Ouais. Est-ce que vous attendez à quelque chose d'autre à 26? Moi, honnêtement, là, il reste un 6 minutes. S'il y a de quoi... Si on a 8 millions. Là. C'est combien? S'il n'y a rien qui se passe, là, je vais capoter. Puis, d'un autre côté, je ne serai pas si surpris. Mais moi, je vais être en tabarnak. Je vais être en tabarnak s'il se passe rien. Mais s'il se passe rien, je vais faire comme... Je suis pas surpris. Il est cave. Il est ouais, cave moi, je suis pas dupe tabarnak. C'est ça, on s'attend à de la médiocrité. Moi, je sais qu'il se passera rien, c'est-tu. Ben, j'espère au moins qu'il va essayer d'échanger Plekis, est-ce-tu. Au moins, c'est un joueur autonome. Tu vas le perdre contre rien. Je vais te dire, moi, Mallette, ça s'en va. Voyons, le hockey, est-ce-tu. L'émotion, aussi. Hockey des Tilly. Ça s'en va, ça abomme. Quand tu fermes mes deux yeux, là, c'est quoi tu vois? Présentement? Ouais. Batman. Quand tu fermes les yeux, c'est quoi tu vois là? Vas-y bien straight comme réponse. Là. Attends, ben par rapport à quoi? Ferme là? Tes yeux. Ouais. Dis-moi qu'est-ce que tu vois. Je me vois toi en train de me regarder. Hein. Je me vois toi? Quoi? Tu te vois, c'est quoi? Genre. Genre Martin qui attend ma c'est réponse. C'est quoi tu fermes? C'est quoi tu vois quand tu fermes tes yeux? Là? Ben mettons que je vois Plekanec, je peux tu pas vois rien, Carlis. C'est sa réponse, ben c'est ça qui va arriver. Ok, c'est une question piège. Ouais, c'est pas une question piège, c'est une question que tu es supposé répondre après, Carlis. Faire en tour de table, d'abord, ce qu'on s'attend à, de la passe canadienne d'ici la date des transactions, il va-tu passer de quoi? De feu, tabarnak! Ça arrivera pas, mais c'est ça que je veux. Non, c'est quoi qui va se passer pour vrai, selon moi, toi? Moi, on trade okay, price. Check bien ce que je veux. Ce que je veux, ça, c'est ce que je veux. Ce que je veux, Pacioretty, Plekanec, au minimum, je veux que ça décalisse. Ça, c'est mon bare fucking minimum, là. Ce que je pense qui va arriver... Au mieux, Plekanec va décoller. Mettons, ça aurait-tu ton bonheur? C'est juste lui qui se fait échanger cette journée-là? Non. Il y a encore Patchio. Tu vas dire JF tout le bord? Ben moi, dans le fond, honnêtement, je m'attends que ce soit juste, mettons, un joueur qui se fasse échanger puis un gars comme Plekanec. Puis après ça, mais là, je m'attends encore à ces vieilles calices d'excuses puis j'espère que les journalistes vont y poser des questions genre pour le Patchio. Mais non! Hey, on... Mais Pacioretty, genre, j'ai bien hâte de voir l'excuse qu'il va donner pour dire « Ah, tu sais, c'était pas le bon moment. Moi, je parle pas des échanges. » Si, mettons, il y a du monde qui dise... Mettons, un journaliste qui arrive, OK, en conférence de presse, il y avait des rumeurs, Pacioretty, ben du monde qui le voyait aller sur d'autres cieux. Je discute pas des transactions. Ce qu'il va dire, il va dire quoi? Il va dire non, Pacioretty, c'est notre capitaine, puis il est là pour rester, puis c'est le cœur de notre équipe. Il essaie de bâtir une maison, on a bâti, autour de lui. Hey, si il va ça, dire je ça, à la mais il va dire ça, c'est son genre de réponse. Il faut voir que j'aille à Brassard, puis il colle un soulier avec un cap d'acier dans sa gueule. Ouais, ben, attends, tu n'as pas de cap d'acier, tu as juste des claques. Tu veux au moins, tu vas entendre un petit. Je vais le fouetter avec une ceinture, restée sur le dos, ça n'a pas de crise de sens. Je vais le flageller, ici. Faisons mort, toi, ta prédiction. Ma prédiction, c'est fuck all. L'affaire qui va être arrivée le plus intense de cette année, Calis, c'est le Rotadave. Je pense qu'il est en train de vomir un peu. Le Rotadave vient de supplanter toute la saison du CH. Je viens de résumer, en fait, la saison du CH au complet. Non, mais c'est quoi la question? Je vois quoi? Qu'est-ce qui va se passer avec le Canadien d'ici la date limite fuck des transactions? Fuck all. Le gros crise de statu quo. On a 8 millions qui traînent, dans sa coche de Mme Lamarquise. Ben, mais comment tu peux justifier ça quand t'es... J'ai une épiphanie. Je viens d'avoir une épiphanie par rapport à ce que tu disais aux 8 millions, là. Chris, est-ce que tu vois, moi, je suis un vendeur dans l'âme. Ouais, on le sait, est-ce que 0% 44 mois. Tu veux Plekanec, là? Un GM. Tu veux Plekanec? Donne-moi un choix de deuxième ronde, puis je paye la moitié de son salaire. Qui? Plekanec. Chris off-lay, puis il dit, hey, non, je vais payer le trois quarts de son salaire. C'est quoi? Tout ce que tu dis, là, Plekanec, tout ça, là, c'est rendu plus loin que ça. C'est rendu plus loin que ça. C'est rendu plus loin. Deux ans, 14 millions. Non. C'est rendu plus loin que Plekanec, le problème. Le problème, je me demande, moi, là, sérieusement, je commence à me questionner sérieusement, pour vrai, que le problème, c'est-tu fucking Carey Price? Avec son gros calice de contrat qui s'en vient, qui joue comme la calice d'Amard, qui est pas mieux que Pacioretty dans son hostie d'attitude. Ben, il a le même genre d'attitude. Il a une hostie d'attitude. Mais je pense pas que c'est le problème, mais je pense que présentement, Carey Price, il est vraiment... Depuis qu'il a été boudé par la foule, qui s'est fait tuer, il a jamais pris. Ça fait longtemps, ça. Il est dégueulasse. Il a jamais pris ça. Ben, mettons que. Sa femme, elle a dit qu'il était bien si, moi, si Carey se faisait échanger, je trouverais ça plate parce que j'ai adoré Carey. J'adore Carey. On l'envoyait à nager contre Subban. Je vais me dire, si on échange Carey puis qu'on va chercher quelque chose en retour, j'ai. Genre un gros centre, là, genre. Sauf que. Si on a quelque chose, là. Moi, tangible, là. De quoi de solide, là. Mais Crosby. Va pas me chercher, Asti. Un choix de première ronde avec un espoir. Non, de quoi de tangible. Maintenant, je veux quelque chose, là. Ben, l'affaire, je vais pas chercher comme un tas de marde, là. Je le fais, puis je le fais en tabarnak. Genre Price contre Vanek. C'est rien contre Carey. J'adore Carey. Non, mais il dit contre un tas de marde. C'est un truc contre Vanek. Non, je vais prendre un tas de marde. Price contre Ryan McDonough. Mais l'affaire, c'est que, mettons, là, on recule des 30 dernières années, là. Bon, gars, ça vit dans le passé, Calis. Non, mais c'est ça, mais honnêtement, avez-vous déjà vu une grosse transaction impliquant un goaler, genre un goaler contre des bons joueurs? Moi, j'en ai jamais vu. Ouais, mais Price, ouais, mais attends un peu. Non. Hey. Qui a eu de la marde? Hey, Mallette. Je parle en général dans la ligue. Ouais, mais Mallette, t'as peu. Moi. Ouais, mais t'as peu. Là, ça implique un gardien de but, pas un goaler. Attends un peu. L'affaire qui me gosse le plus de toutes les calices de médias. Au monde. Le meilleur gardien de but au monde. Ouais, ben c'est fini, ça. Tu peux plus dire ça. Le meilleur gardien de but. Joueurs des concessions. Le meilleur gardien de but au monde. Asti, c'est gosse. Il change à chaque année, man. Oui. Comme un boxeur, Asti. Asti qui gosse avec ça. Lâche il y a un moment donné, là, ils l'ont tellement galvaudé, cette affaire-là. Moi, j'étais genre... ça m'a toujours fait chier depuis le premier jour qu'ils ont dit ça. Carey Price, le meilleur gardien de but au monde. Je suis comme, arrêtez de dire ça, tabarnak. Là. Il a rien prouvé encore pour dire qu'il était le meilleur. C'est un esti de bon gardien. Non, mais il a pas prouvé qu'il était le meilleur gardien au monde. Non, c'est juste sur le point de vue que le monde. C'est un top goaler. Juste quand il a gagné le Hart et la médaille d'or. Non, mais comme Jeff dit, ça change chaque année aussi. Non, ça, c'est des affaires. Non, ça change à chaque année. Ça, c'est des hosties d'affaires de bipolaire de Montréal. Là, c'est comme. Oh man, il est tellement hot. Puis là, le gars, là, non, mais moi, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Mais moi, ce qui m'a gossé le plus, c'est pas le meilleur goaler au monde. C'est qu'à un moment donné, c'était le meilleur joueur de hockey tout confondu Ouais, ça, ils ont dit ça quand ils avaient gagné le Hart. Non, c'est l'année qu'il a gagné la médaille d'or. Ben, c'est ça, c'est l'année qu'il a gagné. Moi, toutes ces affaires-là, c'était genre de... Comment t'appelles ça un mot genre tout le temps pour un super relatif superlatif un superlatif vivre dans le passé genre t'sais, non un superlatif tu sais un esti mot pour tout le temps mettre superlatif vivre dans le passé genre pour mettre quelqu'un tout le temps plus haut ah mais il met sur son piédestal tout le temps le parti québécois puis il trouvait comme plus de mots pour tout le temps dire ça je suis comme tabarnak arrêtez de faire ça il le met sur un piédestal pour aucune raison en ce moment arrêtez de le mettre sur un piédestal le gars c'est vrai qu'il est fucking hot c'est un esti de bon goaler mais bon mais là actuellement il est fuck all, c'est plus le meilleur gardien de but. Hey, le, avez-vous vu le dernier but contre les Coyotes? Ben oui, Calis. La POC n'aurait même pas touché le net, c'est-tu? Non, il, c'était dégueulasse. Là. Il est comme allé la pognée avec son épaule puis elle a tombé en arrière de lui. Ah, c'était terrible. Ça, c'est imaginez là, qu'on est dans un univers parallèle. Non, là. Mais là, en même temps, l'équipe sort. Non, fait, il joue aussi pourri que l'équipe en même temps. C'est ça. Mais... Je pense que présentement, il n'est pas. Il n'est pas à blâmer tant que ça non plus. Là. Non, mais non, oh, pense il n'est pas bien non plus. Mais... Je ne pense, pense pas, par exemple, malgré tout ça, je pense pas que Price, gars, présentement, c'est le problème de l'équipe. Non. Ça, je suis vraiment pas d'accord. Moi, avec pas, ça. Moi au contraire, ben, je dis pas que c'est le problème. Je ne vais pas le cibler. Je vais pas le cibler, mais je sais pas jusqu'à quel point ce gars-là a un impact dans négatif, le bobo de l'équipe. Ben, je pense pas qu'il y a un impact négatif. Tant que ça. Je sais pas. Il y a des bonnes stats, moi j'ai des doutes. Il y a un impact neutre. Moi je commence à avoir des doutes. Je pense pas que c'est l'impact le plus positif. C'est pas parce Gallagher. Qu'il devient le plus payé. Là. C'est pas le Gallagher. Parce que mettons, lui devient okay. le plus payé. Là. L'année prochaine, c'est moi, ton c'est, plus gros salarié. C'est ton joueur. Dans la chambre actuellement. Quand c'est ton plus gros salarié, mettons, quand c'est, mettons, je sais pas, Taze ou c'est différent. Ben oui, Chris, oui, parce que Taze, il se bat comme un hostie débile, puis quand même, ben, il finit avec 5 ouais, défaites de ligne. Là, présentement, on juge sur une saison où ce que présentement, là, tout le monde Carey Price ne gagne pas ce salaire-là encore, puis tout le monde joue mal. Fait que tu te bases sur une saison de même. L'année prochaine, tu me diras le même commentaire, je vais être d'accord avec toi. Mais présentement, cette année, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce si que ça devient constant, genre. C'est ça. Ouais, non, mais en le même commentaire temps, présentement, ouais, là, je pense peu, qu'il j'affirme est pas bon. Pas, j'affirme pas. Je me pose la question. Mais je te l'ai dit en partant. C'est si ça. Tu te poses la question, c'est je suis d'accord avec il toi. Se l'est pas. Je me pense pose pas, la question. Je pense pas qu'il y a un impact présentement positif. Je pense pas que présentement, c'est l'impact négatif au sein de l'équipe non plus. Je pense pas que, tu sais, présentement, Carey Price, c'est comme, c'est de sa faute à lui si ça va pas bien. Non, mais il joue pas bien quand même. Il joue comme de la merde. Il est pourri cette année. Il y a eu une coupe de balle. Il vole pas de game. C'est un boudeur, puis il est mou. Là, présentement, en plus, c'est un boudeur, puis il a une attitude. Non, il a toujours été boudeur. C'est là que je voulais amener. Mettons, en parlant de son attitude, là. À part lui, ça, c'est vrai ce que tu dis. Il est quasiment une attitude de merde. Non, il a l'air d'un stoner. À part lui, il a l'air d'un gars genre. Il a l'air buzzé tout le temps, Price. Mais mettons, là, quel goaler qui a pété plus de bâtons? C'est là que je veux en venir, mettons. À part tout Coras, ouais, qui est pas capable le de jeu les fini péter. On parle de Price, son attitude de tout ça. Imaginez, mettons, la même situation, mais avec Roy Dainette à 30 ans. Genre, Roy, là, il serait en prison aujourd'hui. il aurait battu du monde en foule. Mettons, t'es écœuré de peine. Tes joueurs jouent comme la merde devant toi. C'est sûr que tu en pognes un dans le coin et tu crisses ton poing sur la gueule. Moi, je sais pas, mais mais non, mais ça, on le sait pas. Ah, mais ben ça, c'est derrière des portes closes. Dans le vestiaire, c'est comme à Vegas. Ça reste. Mais tu sais, ça reste dans le vestiaire. Il doit y avoir un peu d'émotion dans le champ. Fait genre, que dans le vestiaire, bon, c'est pour ça que j'appellerais le vestiaire le Vesgus. C'est cet excellent gars qui m'a dit que moi non plus, il se passera rien de sa date à limite. Ça va être statu quo, même que pire que ça. Bergevin va nous bouger des gars de la KHL. Genre, ouais, pas de la KHL, mais de la Ligue américaine. Ça serait pire, la KHL. Il va envoyer des gars de la Ligue américaine dans la KHL. Ça, c'est moi, le bouton dans la chambre. Non, il va bouger des gars comme what the fuck, des gars de la limite des transactions, d'après moi, Bergevin, là, il va se faire un beau popcorn, là, bien tranquille. Là, tu sais, ça fait il va ouvrir sa porte, il va faire... Ah, un bon popcorn, exactement. Ouais, là, on a un c'est bon du popcorn. C'est mais bon la seule popcorn. Bonne nouvelle, c'est que mettons qu'il un se passe bon rien. S'il se passe rien, puis on. Voilà. Parce qu'on commence à être vraiment à chier, puis on descend dans le classement, ben on ça va juste donner. On commence à être vraiment à chier. On l'est depuis le début de la saison, pas mal. Ben, je veux dire, tu sais, avant, là, on était, mettons, d'un 16 dernier. Toujours un non, mais ce que je veux dire, c'est que. T'es tellement positif. On était pas genre d'un 4 dernier. On était, mettons, d'un 8 dernier. Des lunettes roses. Non, c'est ce que je veux dire. Dans le fond, j'ai mal formulé ma phrase. Laissez-le finir. Qu'on finisse le show. On était dans les 8 derniers, mettons. Là, on est rendu dans les 4 derniers, puis on s'enfonce encore. Fait que plus on va descendre, plus on va avoir de chances d'avoir un meilleur show. Et finalement, qui va gagner le loterie? Probablement Ottawa, si, puis on va tout aller se pendre au repêchage. C'est sûr, si, je me coupe les veines. Je me coupe les veines en direct pour les Patreons. On va être dans. dans ceux qui ont le plus de chances. On fait un suicide collectif. La bonne nouvelle à tout le monde, c'est que la saison achève au moins. Fait que notre calvaire est sur le point de se terminer. Il reste deux épisodes de la soirée du podcast. Il y en aura un le 2 mars pour en fait revenir sur les non-échanges du Canadien. Et puis il va rester un le 30 mars pour la première fois en 6 saisons. Ce podcast-là, on va être à déprime. Le podcast des non-échanges canadiens, on va être en tabarnak. Ouais. Hey, sérieusement, je suggère pour ce podcast-là, j'ai une idée, j'ai un flash. Là, c'est tout le long de ce podcast-là, ça va être la ligne info-suicide qui va circuler dans le bas là, de l'image. Là. Comment dire? Tel jeune. Ouais, tel jeune. En loop là, tout le temps. Là. Comme sur un téléthon. Comme au téléthon. Genre, puis un message marqué, votre équipe de hockey ne vaut pas la peine de faire le geste. Ouais, puis après ça, hey, sérieusement, je sais pas, mais je le suggère. Là, puis là, live demain. Vas-y. Mais, si on peut prendre des calls de fans ou des... Faudrait, je pourrais le faire par Skype, peut-être. Par Skype, je serais probablement capable de parler de quoi. Avoir des intervenants, peut-être, ça serait pas drôle. Si on a des intervenants qu'on peut savoir d'avance, peut-être. Faudrait déjà regarder ce que je peux faire, puis je reviens avec ça, puis on regardera. Puis après ça, sinon... Ça serait drôle. 30 mars, dernier podcast de la saison. Pour la première fois en 6 ans, Asti, on fait le post-mortem avant la fin des matchs. Fuck that shit, Asti! Parce qu'après ça, on a comme le timing est mauvais, puis là on va être dans les playoffs, puis fuck that shit. Le Canadien sont pas dans les playoffs, fait qu'on va comme finir la saison tranquillement en Zagan. Nous autres, on va lancer la serviette, Esti. On va comme s'éclipser en douce. Ben, en douce, après ça, après, on va comme faire. Comme au maire d'une headset. Ouais. Puis après ça, ben, nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des jasettes à la place pour le reste de c'est mieux pour la santé, je pense. On va s'amuser à jaser à la place de parler de hockey parce qu'on finit par se répéter, mon année aussi, le temps de dire que le Canadien t'a chié cette année, c'est pas. Ouais, mais c'est une saison rough pour les Canadiens et pour nous autres. Oui, si, bon. On dort saison plus, rough dors, pour notre podcast. Hey, man, imagines-tu, là? Puis en plus, en ce moment, on a les plus grosses cotes d'écoute qu'on a jamais eues, fait que je comprends rien. C'est... Imagine, ah, mais quand ça va mal, imagines-tu Pierre, Oud, puis Marc Denis, là, ils devaient être les autres, là, à chaque crise de game, sont sur place, faut qu'ils fassent des entrevues avec les joueurs, puis ils ont plein d'affaires. Puis c'est une game de merde, puis ils doivent se dire, il n'y a même pas de code d'écoute. C'est pour ça que Pierre. Ça a l'air que ça a juste baissé de 15% en plus. Que ouais, pas beaucoup. Ben là, puis Pierre parle des recettes de sa grand-mère, fait que c'est peut-être ça qui pogne aussi. Ah, peut-être, là. Peut-être. Peut-être les recettes de grand-mère. Ah, si, Pierre ouais. Fait juste parler un peu plus de F1. Ouais, peut-être. Ben, quasiment, parce que Manny s'est dit, il dit, je dormirai pas beaucoup ce soir. On est en Australie, puis ne manquez pas le Grand Prix. Qui c'est qui écoute ça à 4h du matin, honnêtement, en tout cas. Fait que, JF, t'as pas de call-out à soir? Je garde mon énergie en dedans de moi pour la pour les non-échanges dans deux semaines. Là, ça va être trop intense. T'as la Dragon Ball, le style. Il va être super saillé niveau 3. Hey, pour ce podcast-là, s'il se passe vraiment rien, on sort le fort. On fournit la corde, puis on sort le fort. On se prépare tout un call-out. Ah, on pourrait tout faire ça. Tout le monde se fait un call-out. Ça pourrait être une bonne chose. Moi, c'est une bonne idée. Je pourrais tout vous passer le doigt. Tu nous passes le doigt. Calisse. Fait que sur cette excellente quote, on vous dit à dans deux semaines. À la prochaine, tout le monde. Dread dans le cul.